Cette édition d'Assemblage Requis vous est présentée en collaboration avec Prévention Alcotube Plus. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage Requis. Alex Marchand viendra nous parler des activités de l'AJ-Écoutière. Et on gardera en plus une invitée spéciale pour une grosse pointe d'allégresse. Une édition super magnifique d'Assemblage Requis commence tout de suite. Assemblage Requis pour toi, aujourd'hui. Assemblage requis pour toi, aujourd'hui. Bonjour, bienvenue à Assemblage Requis en ce jeudi 19 janvier 2017, à 98 jours de la fin de l'année scolaire, en direct des studios TIFO à Trois-Rivières, et je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. Tania Baudin! Je te reconnaissais, il me semblait aussi. Ça ah ouais, juste un petit quelque chose. Ton visage m'est familier ce matin. C'est parce qu'on travaille ensemble, Mathieu. Genre, toute la journée. Genre. Sans cesse. Mon petit plaisir, on aime ça. Mais oui. Je sais pas ce que le campus a depuis hier, mais on dirait que ça bouge plus. Je sais, hein, moi aussi j'ai trouvé, je suis arrivée ce matin en partant, il y avait... D'après moi, hier soir, à la chasse-galerie, ça a quand même été mouvementé puisqu'il y avait une espèce de... de tas de régurgitation à l'entrée du pavillon. Uh-huh. Donc, bel accueil ce matin. Mais de ce côté-là aussi, même à ça, j'ai vu plusieurs agents de sécurité sur le campus ce matin. Les gens qui passent l'appel sont là à ce temps-ci aussi. Il n'y avait pas d'action le matin avant 7h30. Jamais, jamais depuis le début du mois de janvier. Non. Incroyable. Bref, on ne sait pas trop ce qui se passe, mais c'est tant mieux, ça bouge. Peut-être que l'UQTR a eu du budget. Peut-être. Le nouveau budget commence peut-être le 1er janvier, ça. J'avoue. Bref, aujourd'hui, l'émission, Tania, nous, pas besoin de budget pour faire cette émission-là parce que ça y va, là, au toast. Mm-hmm. Au toast, du pain, c'est pas cher. Hein? Ben oui. Donc, à 8h, on va voir Alex Marchand, le président de l'AJ-UQTR, pour nous parler des activités de l'Association générale des étudiants de l'UQTR. Donc, ça veut dire tout ce qui s'est passé depuis avant les fêtes parce qu'on l'a pas vu encore en janvier, Alex Marchand. On l'a c'est pas vrai? Vu depuis notre dernière émission en décembre. T'as bien raison. Ensuite de ça, à 8h30, il va rester avec nous, Alex Marchand. On peut le révéler tout de suite. Oui. Parce qu'il nous amène une invitée spéciale aujourd'hui. Ouh, intéressant. J'ai hâte de voir. Oui, on ne brisera pas de punch, mais ça s'en vient après 8h30. Ta chronique dans quelques instants, Tania Gonin-Tutinia, qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui? Bien, c'est drôle parce que ça fait déjà quelques jours que je suis retournée à cette superbe, belle application qui est Trivia. Puis ça m'a un crack. Petit peu. Oui, Trivia Crack en passant. Puis ça m'a un petit peu fait allumer sur ce qu'est la culture générale. Ouais. Donc, ce matin, je vais vous parler de ça. Est-ce que tu t'es remis à regarder des quiz télévisés? Pas vraiment, mais vous allez voir. Okay. Vous allez voir. On en parle dans 3 minutes 25. Il est temps d'écouter le groupe de la Reine. Voici l'impérative à Assemblage Requis sur C'est fou. c'est l'impératif de la reine. De la reine. Le groupe s'appelle De la reine. Exactement. À l'assemblage requis. Parlant d'impératif, divertissez, c'est l'impératif du verbe divertir. Donc voici Tania is gonna entertain you. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant elle décolle. C'est Tania! And she's gonna entertain you! Tania Beautin! Une chance que t'es là pour nous divertir, sinon l'émission serait plate rare. Mais voyons, t'es très divertissant, Mathieu! Ah, merci beaucoup! Ça tombait à plat, ça. Ben, c'est ça. Divertissant, Mathieu. Cool, ça a l'air super honnête. Mais non, c'est pas vrai. Ben, en fait, c'est vrai, mais okay. Tu sais. Ouais. Bref, on parle trivia de choses de connaissances générales. Oui, exactement, parce que en fait, c'est drôle. Depuis quelques temps, je parle de plusieurs sujets vraiment très très diversifiés. Ouais. Souvent le matin à la radio, et on parle quand même assez souvent de culture générale où ça se place quand même bien dans une conversation. Ben tu oui. dis à quelqu'un, hey, t'as vraiment une bonne culture générale, mais souvent les gens et c'est ce que j'ai remarqué dernièrement parce que je reçois des courriels qui me disent, ouais, mais c'est quoi avoir de la culture générale. Ouais, est-ce qu'il faut connaître, les sports pour avoir la culture générale? Moi, je pense pas. Exactement. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé d'un petit peu vous décrire qu'est-ce que la culture générale, mais pas seulement qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert et surtout, comment est-ce qu'on peut améliorer cette fameuse culture générale-là. À part en écoutant C'est un fait, les lundis à l'Assemblage Rocky, bien sûr. Exactement. Parce que si vous êtes ceux qui sont habitués de nous écouter à chaque matin, vous savez que j'ai un club select de jeux de société. Oui. Et souvent, ça nous arrive de jouer à des jeux de culture générale, les justement, de questions pièges, et tout ça. Puis les gens avec qui je travaille, parfois, ils me disent « Ouais, mais franchement, j'ai pas assez de mémoire pour savoir ça » ou « Je connais pas ça » ou « J'ai pas de culture générale très, très développée. Ouais. » Donc, il y a un moyen, en fait, de faire en sorte que vous puissiez développer votre fameuse culture générale. Chacun ses spécialités. Ça se peut qu'on soit mauvais en histoire, tous les deux. Ben oui, exactement. Ouais. Mais sachez qu'aujourd'hui, je vais justement vous présenter qu'est-ce que la culture générale, à quoi ça sert et surtout, comment est-ce que vous faites l'améliorer. Donc, la culture générale, en fait, ça parle vraiment des connaissances en tout genre de quelqu'un sans spécialisation. Ça veut dire que vous connaissez un peu de tout. Un généraliste, médecin généraliste. Exactement. Ça le dit, culture générale, c'est que vous connaissez un petit peu de tout sans nécessairement... bien évidemment, si vous avez une passion, vous allez connaître beaucoup de choses dans ce domaine-là. Mm-hmm. Vous allez chercher des choses qui vont être liées à ce que vous aimez aussi la plupart du temps. Mais quelqu'un qui a une bonne culture générale, ça désigne quelqu'un qui connaît un petit peu de tout dans tout. Et le projet d'une culture générale, c'est lié à des réflexions à propos de l'humanité, qu'elle soit conçue comme nature humaine ou encore comme dépassement de la nature par la culture. Donc, ce que ça veut dire, c'est que cette fameuse culture générale-là, bien souvent, on va pouvoir s'en servir dans plusieurs sphères de notre vie. Ça veut dire que si tu as une conversation, je sais pas moi, par exemple, avec la madame qui travaille à la cafétéria de l'UQTR, tu vas pouvoir avoir une discussion avec cette personne-là sans nécessairement savoir tout ce qu'elle fait de son métier. Tu vas avoir une culture générale sur certains points de ce qu'elle fait ou certains points de ce qu'elle te parle. Et si jamais tu vas discuter, je sais pas moi, avec un gars qui est en ingénierie comme Sam, un de nos animateurs en génie à liberté, eh bien, tu vas quand même aussi être capable d'avoir une discussion parce que tu vas avoir une connaissance générale, une culture générale qui va t'être montrée à développer certains sujets qui, lui aussi, va le toucher selon son domaine. Ouais. Lui va être spécialisé dans ce domaine-là. Toi, tu vas avoir une culture générale qui va t'avoir amené quelques connaissances. Ce qui est très différent entre, justement, une connaissance et une spécialisation, parce que, ouais. Bon, bien évidemment, une connaissance, tu sais, c'est comme dire ma meilleure amie, puis une connaissance. Ben oui. C'est exactement la même chose, mais au niveau de ce que tu connais, par c'est exemple... C'est de la surface, mettons, savoir qu'un ingénieur, je sais pas, ça travaille sur, je sais pas, les ponts, mettons. Oui, exactement, tu sais, ou que ça c'est, bien évidemment, ça a des maths fortes, tu sais, ouais, juste ce genre de connaissances-là, fait en sorte que ta culture générale est beaucoup plus développée que, par exemple, quelqu'un qui connaît tout simplement simplement le nom des joueurs des Canadiens de Montréal depuis 1964. C'est correct d'avoir ça en plus de la culture générale. Oui, exactement. À quoi ça sert exactement la culture générale? Bien, il y a le raisonnement qui vient avec tout ça. C'est qu'avec une culture générale, les psychologues ont découvert que le fait de savoir plusieurs choses permet à une personne d'apprendre beaucoup plus facilement. Oui, ta curiosité, ça la développe. Ben oui, exactement. Donc, de penser d'une manière beaucoup plus critique, tu vas être capable d'avoir une opinion sur pas mal de sujets, ce qui fait en sorte que, par la suite, tes discussions peuvent être beaucoup plus grandes, beaucoup plus interpellantes aussi. Les gens vont se sentir peut-être plus interpellés à discuter avec toi parce que tu vas avoir justement quelque chose à dire. Ouais. Et les recherches montrent que les compétences intellectuelles, en fait, ça vient après l'apprentissage de simples faits et non pas l'inverse. Tu sais, quand on dit à un enfant, tu peux pas apprendre tout par cœur, c'est sûr qu'on commence à faire de l'apprentissage, par exemple, au primaire. Donc, on doit passer par cette étape-là. Par contre, la culture générale, c'est quelque chose que l'on fait à tous les jours. Ça va être quelque chose aussi qui va être transmis, par exemple, de façon familiale. Si vous allez en voyage, puis que vous décidez de discuter, moi, je sais pas, de où vous êtes, de qui a créé la place où vous êtes et tout ça, bien ça, ça devient de la culture générale, mais le jeune ou la personne ne l'aura pas appris dans un cours devant un livre en train d'écrire mille fois d'où ça vient pour pouvoir se le rappeler. Ça va être quelque chose qui va être lié bien souvent à un souvenir ou justement à une action qu'on a fait, puis qui va faire en sorte qu'on va s'en souvenir beaucoup plus facilement. Ouais. Donc, il existe en fait... pour les étudiants dont la charge de travail qui est déjà quand même bien lourde, c'est comment est-ce qu'on peut intégrer des notions de culture générale sans pour autant se dire que là, il y a beaucoup trop de choses dans notre cerveau en même temps, ouais. Ou de se dire qu'il faut lire l'encyclopédie. C'est de se divertir en apprenant. J'ai parlé tantôt de quiz télévisé. Pour moi, je trouve que c'est une des meilleures façons d'avoir la culture générale, c'est de regarder des quiz parce que c'est le fun, puis t'apprends en même temps sans même t'en rendre compte. Ben oui, exactement. Ben, c'est ma façon à moi. C'est vrai, tout à fait. Donc, la réponse, en fait, c'est tout autant que le procédé est simple, il faut apprendre à réfléchir. La culture générale, c'est de vous poser des questions. Mmh. Tu dis un quiz télévisé, mais comment est-ce que ça fonctionne? C'est qu'on pose une question par rapport à un sujet et là, on va avoir différentes réponses. Ben oui. Mais tu vas avoir aussi cette réflexion à dire, attends, moi, qu'est-ce que je dirais par rapport à ça selon ce que je connais déjà? Donc, cette fameuse réflexion-là à se poser nous-mêmes des questions par rapport à nous-mêmes et par rapport à nos connaissances, vont faire en sorte que si tu n'as pas la bonne réponse, tu vas aller chercher Absolument. La bonne réponse, bien souvent. Donc, et si la bonne réponse n'a pas l'air d'avoir de sens, tu vas aller chercher pourquoi est-ce que c'est ça la bonne réponse. Ben oui, tout à fait. Oui. Donc, il faut oser poser des questions sans idée définie, sans idée prédéfinie, de se dire « bon non, je vais avoir l'air niaiseux si je pose cette question-là » ou « je vais avoir l'air niaiseux si je pose cette question-là » parce que en fait, ça devient de la connaissance. C'est de poser une question qui est sans honte, sans idée préconçue ou sans crainte justement du jugement. Mm-hmm. Bien, les autres, ça va faire en sorte aussi que vous allez tout simplement vous dire que vous pouvez avoir confiance en quelqu'un qui a une plus grande connaissance que vous dans un certain sujet et que vous allez pouvoir aller voir cette personne-là pour connaître d'autres choses. Donc, un mentor. Exactement. Et il n'y a pas de honte non plus à poser des questions à quelqu'un, même si tu penses que cette personne-là va te juger. On parlait hier, je ne me rappelle pas trop, tu parlais de questions de carte de crédit. Oui, oui, oui. Je ne veux pas avoir la folle en lui posant cette question-là, je ne sais pas trop quoi. Ouais. Non, mais la personne va probablement aimer ça, te renseigner. Et toi, tu vas peut-être pouvoir lui enseigner d'autres choses dans un autre domaine. Probablement. On est gagnant là-dedans. C'est vrai. Il n'y a pas à avoir honte de ne pas savoir quelque chose. Tu ne sais pas, tu ne sais pas. Ben exact. Il faut. C'est une idée totalement, comment je pourrais dire, négative de dire que si tu poses une question par rapport à un sujet, tu vas automatiquement avoir l'air stupide. T'as à moins que négative. Tu me demandes 2 plus 2, puis que t'as pas 6 ans et demi. Mais t'as seulement 3 ans et demi. Ouais, c'est ça, comme la toune mercredi. On jouera peut-être à la fin du blanc. Ce qu'on sait moins, en fait, c'est que vous devez être conscient que la culture générale, c'est surtout à interagir avec les autres, nos voisins, les gens de cultures différentes. Parce que, bien évidemment, c'est facile de dire qu'on a une culture générale assez développée, mais on est tous, ou bien souvent tous, de cultures différentes. Mm-hmm. Donc, si, par exemple, moi, j'essaie d'aller voyager en Inde et que je discute avec quelqu'un, bien, clairement, j'irai pas te parler de Papineau et des Patriotes du Québec. Ça serait un petit peu plus difficile. Donc, cette fameuse culture générale-là, c'est justement pour améliorer l'interaction entre les gens de cultures différentes, à essayer de comprendre le monde, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui peut se passer, et aussi à mieux éduquer les gens autour de nous et à faire les bons choix dans la vie. Parce que plus on en connaît, plus on est capable apparemment de faire de bons choix par rapport à nous. Donc, c'est une chose qui nous est propre et c'est nous qui avons le contrôle de cette fameuse culture générale-là. C'est ça, parce que t'es pas obligé non plus, lire les journaux, c'est bon, oui. Parce qu'on veut avoir la culture générale en sachant l'actualité du monde, mais t'es pas obligé de lire la section finance juste parce que tu veux avoir des connaissances générales. Exact. Si ça t'intéresse pas, il est pas. C'est bon de le faire. Mais si au bout de deux lignes, tu te rends compte tout le temps que les ça te tente vraiment pas. Là. Exactement, là, je te demande pas d'aller lire comment va le crash boursier de Twitter. Là, c'est ça. Si au contraire, par exemple, tu es interpellé par une chronique ou un article qui parle de justement comment améliorer son crédit ou peu importe, ça devient de la culture générale. Mm-hmm. Ça devient quelque chose que tu vas pouvoir contrôler par la suite. Tu vas avoir la connaissance de te dire finalement, je devrais peut-être faire des changements dans mon compte en banque. Oui, peut-être qu'on est en train de faire ça, tous les deux. Exactement. Donc, c'est pas lié à une catégorie socio-professionnelle, mais c'est plutôt associé à votre désir d'apprendre et à une volonté personnelle. Oui. C'est surtout ça. Parce que moi, j'ai reçu quelques messages et j'ai discuté avec quelques gens et on me dit souvent, « Ouais, mais tu sais, c'est ben trop difficile, là. » Qu'est-ce qui est difficile? D'améliorer sa culture générale. C'est juste ouvrir. Mais exactement, c'est une volonté personnelle. Est-ce que tu veux apprendre quelque chose d'autre? Est-ce que tu veux que quelque chose te serve un petit peu plus tard dans ta vie pour avoir une plus grande discussion? Mm-hmm. Ou, parce qu'on va se l'avouer souvent, d'avoir une culture générale assez développée, ça sert à avoir l'air pas mal plus intelligent. Ben, c'est ça, exactement. Et qui aime pas avoir l'air intelligent dans la vie? Il y en a qui sont confortables dans le fait de pas savoir grand-chose. Exact. De juste, bon, tu regardes, je vais regarder la voix. Mm-hmm. Je vais me coucher, je vais me relever, je vais faire mon petit travail, blablabla, puis me retourner à la maison, me coucher à la TV. Tout à fait. C'est tout. Ils sont confortables là-dedans. C'est votre droit. Mais on n'est pas là pour vous parler à vous. Non, c'est ça, exactement. Donc, en fait... Écoutez pas si vous paraissez. Donc, en fait, la culture générale, ça a aussi le pouvoir de nous protéger de certaines choses. Parce que, comme je le disais, plus tu connais certains sujets, plus tu vas apprendre à te poser des questions par rapport à cette connaissance-là. Donc, ça va nous protéger, ça va nous faire prendre conscience aussi de ce qui nous entoure à une plus grande ou à une moins grande échelle. Et ça va dominer certains de nos sentiments aussi. Parce que quand tu te sens confiant par rapport à un sujet quelconque, ben t'as pas nécessairement honte de toi ou t'as pas peur d'avoir l'air niaiseux, au contraire. Donc, à un certain point, d'avoir une culture générale assez bien développée, ça peut te donner justement une bonne confiance en toi. Donc, vous allez avoir une meilleure estime de vous-même et vous allez surtout, à certaines fois, inspirer d'autres personnes à faire exactement la même chose. Ouais. Ce que je trouve vraiment cool. Mais comment est-ce qu'on peut arriver justement à développer cette fameuse culture générale? C'est facile de dire qu'à 15 ans, tu peux t'intéresser à pas mal de choses. T'es à l'école, puis c'est ça qu'il faut que tu fasses à journée longue pendant 8h30 de temps. Quand t'arrives chez vous, tu continues parce que t'as des devoirs. Oui. Donc, automatiquement, on le sait que quand on est plus jeune, quand on est adolescent, quand on est au primaire, on est dans notre période d'apprentissage. C'est là souvent aussi que notre cerveau va se développer ou à une plus grande échelle, et c'est là qu'on va gober vraiment le plus grand nombre d'informations. Donc, il n'y a pas de mensonge de dire que c'est souvent là que le développement de la culture générale va se passer pour la plupart des gens. Et ton intérêt pour la connaissance. Exactement. Générale. Mais rendu, par exemple, à 25-30 ans, lorsque tu réalises que quand tu discutes avec des gens qui ont étudié, je par exemple, rien. En histoire oui. ou en géographie, puis tu fais comme, ben voyons, je sais même pas c'est quoi les 5 continents sur cette planète-là, ben ça t'allume peut-être que si tu veux avoir l'air plus intelligent dans une discussion avec quelqu'un, faudrait peut-être que tu fasses quelques recherches. Donc, comment est-ce le que tu peux... Le strict minimum, hein? Oui, exactement. Ouais. Donc, comment est-ce que tu peux arriver à justement améliorer ces connaissances-là sur des sujets que, tu sais, déjà à la base, ça t'interpellait pas trop, par exemple, au secondaire, justement, là, toi, la géographie, là. C'est correct. Tu l'as passé, mais ça a fesse, puis tu voulais pas plus savoir c'était qui les Autochtones qui étaient ici avant ou peu importe. C'était moi, ça, tu me décris parfaitement. Ben, moi aussi. Exact. Mais on a quand même l'envie d'en apprendre plus, si exactement. Ça donne. T'sais. Donc, en premier lieu, ce que vous devez faire, c'est de choisir justement une catégorie de culture générale, parce qu'il faut commencer par une seule chose. Okay. C'est sûr que si vous êtes déjà en partant du genre à lire plusieurs choses sur pas genre mal de Wikipédia, sujets... Genre Wikipédia, tu cliques sur un sujet, puis là, soudainement, tu as 50 onglets d'ouvert. Exactement. Ça, c'est vraiment le fun. Oui, vraiment. Là, c'est le meilleur bout de la semaine. Donc, si vous voulez y aller étape par étape, vous êtes déjà réticent ou réticente à l'idée de vous dire que vous pouvez améliorer votre culture générale, mais que vous voulez justement dans une conversation, je sais pas moi, vous savez que vous allez avoir un souper de famille, puis ton oncle historien va être là, puis il arrêtera pas de te poser des questions, puis tout, puis là tu veux pas avoir l'air niaiseuse parce que tu comprends rien, ben vous allez justement commencer par l'histoire. Mais vous allez choisir, comme je le disais, une catégorie de culture générale spécifique. Donc, vous allez choisir un sujet qui vous plaît pour commencer. Ouais. Qu'est-ce qui vous plaît dans l'histoire? L'histoire du Québec? Oui, c'est ça. Est-ce que c'est l'histoire du Québec? Est-ce que c'est l'histoire des États-Unis? Est-ce que c'est l'histoire de la Grande-Bretagne? Donc, étant donné que c'est impossible d'être parfait dans tous les domaines, vous devez vraiment commencer par un sujet qui va vous interpeller plus que les autres. Par la base de Exactement. Ce sujet-là. La culture générale, en fait, c'est divisé en différents domaines à partir, justement, desquels vous faites choisir ce qui vous intéresse le plus. Comme je le disais, l'histoire, la géographie, la physique, les arts. Vous pouvez passer par la danse, les sciences en général, la politique et ainsi de suite. On s'entend que bien souvent, lorsque vous allez choisir l'histoire, il va y avoir plusieurs choses qui vont découler, qui vont être du type politique aussi, qui vont être aussi parfois du type géographique. Mais ça, ça vient englober justement un grand sujet. Donc, le fait de choisir un thème qui vous intéresse, ça va vous motiver davantage à lire, à comprendre quelque chose par rapport à ça, que vous ayez ou non des connaissances déjà à ce sujet-là. C'est sûr que si au secondaire, vous étiez tout le temps en train de focusser votre cours de géographie, puis vous savez même pas où est le Canada sur une map, commencez par aller chercher sur Google Maps. Sur Trivia Crack, hier, t'avais la question, genre, le Canada est situé où, genre, puis le choix de réponse, c'était comme, genre, au-dessus des États-Unis ou le contraire. Ouais, c'était marqué, où est situé les États-Unis, c'était marqué au sud du Canada, à l'ouest du Canada, au sud-est de la France. Là, c'est comme ça. Quelqu'un qui n'a pas ça n'a pas du tout de connaissance générale. Exactement. Du tout. C'est ça. Ouais. On s'entend. Ouais. Par la suite, la deuxième étape, c'est de faire des recherches et de justement vous documenter par rapport à ce sujet-là. Donc, vous allez pouvoir vous faire conseiller, par exemple, des professeurs, si vous êtes encore à l'école, des parents ou une personne qui est cultivée, mais admettons que vous choisissez l'histoire, vous allez devoir en apprendre les rudiments. Vous allez devoir commencer par la base, bien évidemment. Un thème précis va comporter aussi des subdivisions ou des annexes, bien souvent, comme je le disais tout à l'heure, si vous cherchez, l'histoire des États-Unis, ça va passer souvent par la géographie, la politique, parce que ça se relie justement à un certain point dans ce qui est l'histoire des États-Unis. Donc, vous allez devoir rechercher aussi en ligne, faire des recherches dans des livres, à travers des discussions, discuter avec les gens qui s'y connaissent, qui ont une espèce de connaissances extrêmement développées dans ce sujet-là. Et faites tout votre possible, en fait, pour savoir plus sur un sujet et surtout, essayez de le comprendre. Ouais. C'est le fun de dire que vous avez lu, ce qui s'est passé pour les Patriotes au Québec, mais si vous ne comprenez pas qu'est-ce qui s'est passé, ça fait en sorte que votre culture générale fait juste un petit peu tomber entre deux planches. C'est ça, parce que ça, c'est le modèle au secondaire où on n'apprend pas vraiment. On fait juste gober l'information, on la recrache sur l'examen. C'est fini, on l'oublie. C'est pas ça qu'on veut. On veut que ça soit une connaissance générale et qu'on soit capable justement d'avoir une discussion sur ces fameux patriotes-là quand vous allez arriver à votre souper avec votre oncle, l'historien. Ils vont-tu faire le Super Bowl? Là, tu dis, non, c'est pas ça, là, on parle des patriotes. Exactement. C'est pas l'équipe, mon oncle. C'est ce qui s'est passé au Québec il y a une couple d'années. Par la suite, la troisième étape, c'est d'acheter ou de vous procurer des ouvrages de culture générale. Ouais. Donc, il y a des auteurs qui se spécialisent, en fait, en culture générale sur plusieurs sujets. Évidemment, un des bons livres que je peux vous conseiller, c'est le dictionnaire. Oh, mais dis-moi en plus sur ce dictionnaire. D-I-C-S-S. Déjà, en partant, si en 2017, vous ne possédez pas de dictionnaire à la maison, ça serait peut-être un bon achat. je ne vous juge aucunement, mais... Une encyclopédie aussi, c'est bien. Une encyclopédie Quelque aussi. Chose d'illustré pourrait même vous aider, peut-être okay, un dictionnaire illustré. Là. Ouais. Parce qu'on s'entend que si vous cherchez juste la connaissance d'un mot, bien, l'endroit principal pour aller chercher ça, c'est sur le dictionnaire. Pas mal, là, ouais. Donc... Tu sais, à la base, là, vous pouvez déjà avoir un bon dictionnaire chez vous, puis ça devrait déjà pas mal vous aider. Ouais. Vous allez pouvoir aussi imprimer des questionnaires de culture générale que vous allez avoir trouvés sur Internet, y répondre et surtout, par la suite, aller chercher les réponses. Essayez de comprendre pourquoi est-ce que vous avez répondu quelque chose quand la réponse était autre chose. Vous allez pouvoir, justement, naviguer sur les sites de culture générale parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Ce serait le fun, tu joues souvent à Trivia Crack. J'aimerais ça si à la fin du questionnaire de, je sais pas, 10 questions, il y avait les liens des sources des réponses. Ah oui. Ce serait une bonne idée. Mais sur Trivia Crack aussi, l'affaire, c'est qu'il y a certaines personnes, après un certain nombre de points, tu peux créer tes propres questions. Ah. Donc, parfois, ça peut douter. Ouais. Mais souvent, les réponses sont assez intelligentes. Okay. C'est bon. De vous faire aussi comme très bonne étape par rapport à votre culture générale pour justement vous procurer des ouvrages de culture générale, c'est d'aller chercher votre carte de membre à la bibliothèque. Mm-hmm. c'est quelque chose qui se fait de plus en plus maintenant. Les bibliothèques, apparemment, sont comme en regain d'énergie depuis les deux dernières années. On est en train, justement, de pouvoir faire certaines reconstructions de certaines librairies, certaines bibliothèques. Il y a cet engouement qui revient pour les livres en papier, en toucher autre qu'Internet. Alors ça, c'est super parce que lorsque vous allez à la bibliothèque, bien évidemment, vous avez, en plus, ici à Trois-Rivières, ça coûte absolument rien de devenir membre de la bibliothèque de Trois-Rivières. Ça vous prend juste une preuve comme quoi vous habitez à Trois-Rivières. Mmh. Donc, de ce côté-là, vous allez pouvoir passer vos samedis ou vos dimanches à lire et à essayer de développer votre culture générale. Voilà. Apprendre. Exactement. Quatrième étape pour bien développer notre culture générale, c'est de lire à tous les jours, que ce soit un journal, un livre. Pas Facebook, on veut dire. Non. Pour vrai, Facebook, ça, moi, ce que je trouve, c'est que ça apporte pas grand-chose côté connaissances, Facebook. La plupart du temps, bon, il y a des articles qui passent, mais c'est surtout des trucs de tes amis. Ouais. Je trouve que d'avoir un site de nouvelles, des références de nouvelles, c'est beaucoup mieux. Tout à fait. Et aussi, tenez-vous au courant de l'actualité politique, de l'actualité sociale. C'est sûr que parfois, ce qu'on va voir dans les journaux ou ce qu'on va voir sur Internet, justement, ça va être négatif. Donc, les gens ne veulent pas nécessairement le lire. Par contre, si vous vous donnez la peine de lire par rapport à ces sujets-là, automatiquement, vous allez savoir ce qui se passe autour de vous. Donc, vous allez, encore une fois, avoir une plus grande connaissance et une plus grande protection de ce que vous voulez par rapport à votre politique, par exemple. Ouais. J'ai parlé de Facebook. Il y a quand même du bon à Facebook, le côté nouvelle. Est-ce qu'en français, on a, parce que j'ai mon Facebook est américain. Moi aussi, est en anglais. Ouais, c'est ça. Il y a des petites nouvelles en haut à droite avec un top 10 des affaires, des sujets les plus discutés. Là. Ça, c'est quand même bon à savoir. C'est, ça, c'est de la vraie culture générale. Ça, c'est en français, tu parles? Moi, je l'ai dans la version américaine du site, là, mais c'est des petits trending là, avec t'as une section politique, technologique, etc. Donc, c'est en haut à droite. Ça arrive parfois, oui. Ouais, OK, cool. Oui, je crois que même que du côté francophone, ça le fait. Génial. Donc, vous allez pouvoir justement aussi vous offrir une application téléphone qui va vous aider à développer votre culture générale et c'est avec ça que je vais terminer ma chronique dans quelques instants. Mais la cinquième étape pour justement développer une bonne culture générale, c'est de discuter de culture générale avec des personnes qui sont intéressées par ce sujet-là. Et qui vous jugeront pas. Qui vous jugeront pas, mais qui vont toujours être disposées à vous partager des informations. C'est surtout ça qu'on veut. Et en 2017, parfois, on se dit, les gens sont un peu égocentriques. On veut pas trop donner nos connaissances par rapport à certains sujets. C'est l'air prétentieux, sinon. Parce qu'on veut pas que... L'intellectualisme est mal vu, des fois. Ou on veut pas que certaines autres personnes deviennent plus intelligentes que nous ou en connaissent plus que nous. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans, justement, les journaux. Il y a des études par rapport à ça. Donald Trump a basé sa carrière sur ça, l'anti-intellectualisme. Mais ce sont des informations qui pourraient être utiles à tout le monde. Donc, le partage de connaissances, c'est quelque chose qui va faire en sorte que vous allez pouvoir avoir une culture générale beaucoup plus développée. Et quand il est question de culture générale, c'est il n'y a rien qui est utile ou il n'y a rien qui ne peut pas servir. Quelle que soit la spécialité de la personne avec qui vous parlez, vous allez apprendre quelque chose. Et c'est ça, justement, le but de la culture générale, c'est que vous allez pouvoir tenir, par exemple, des réunions d'information par rapport à certains sujets en invitant des personnes qui s'y connaissent. Vous allez pouvoir discuter autour d'un café avec quelqu'un qui, justement, se connaît sur, je sais pas moi, beaucoup plus la politique sociale que ce que vous connaissez. Vous allez pouvoir demander, justement, aux principales personnes autour de vous de former un club de culture générale. Vous allez pouvoir avoir des discussions ou peu importe. C'est de vraiment amener de l'avant les discussions qui vont être diversifiées avec certaines personnes et surtout parfois sur des sujets que vous ne voulez pas nécessairement parler mais que vous voulez avoir de la connaissance quand même. Et je termine avec certaines petites applications qui peuvent améliorer votre culture générale. Donc, le premier, c'est le célèbre jeu télévisé qui vous suit partout. Ça s'appelle « Question pour un champion online ». Ça s'inspire directement de celles qui sont posées par Julien Lepère et différents niveaux de difficulté existent dans le jeu. Si je me souviens bien, c'est un questionnaire qui est français du côté de la France. Donc, les utilisateurs vont aimer particulièrement l'interface que ça va avoir. C'est très convivial comme application. Et le principe du jeu est assez simple. Pour avancer dans le jeu, il faut gagner des parties comme dans la réalité. Donc, c'est un petit peu comme Trivia Crack. En fait, vous allez avoir des questions, vous devez répondre, vous allez avoir des choix de réponses et tout le tralala. Une deuxième application, c'est le Saviez-vous. C'est une application qui est faite pour briller en société, en fait. À l'inverse de beaucoup d'autres, tous les articles et les citations ont été vérifiés. Donc, cette application-là, tout ce qui se retrouve à l'intérieur est vrai et l'interface est claire et intuitive et c'est un petit peu ce qui va séduire les gens qui vont la downloader. Et le Saviez-vous, ça va vous divertir pendant longtemps à cause qu'il va y avoir des questions régulièrement renouvelées. Mais elles vont, encore une fois, être vérifiées. Donc, c'est gratuit pour Android et iPhone. Et je vous rappelle que le titre, c'est « Le saviez-vous ». Il y a aussi l'application Coach Culturel. Qu'est-ce que c'est? Bien, c'est une application qui propose à l'utilisateur un très large choix de questions qui sont réparties en 8 thèmes. Donc, on a la science, les sports, la musique, la géo et tout ça. Et les réponses qui sont fournies sont très, très, très documentées. Donc, tout à l'heure, on disait que sur Trivia Crack, on n'a pas nécessairement les sources de ce que, des réponses qu'ils nous donnent ou de ce qu'on aurait dû répondre. Mais sur Coach Culturel, vous allez avoir cette documentation qui va vous permettre d'aller plus loin dans l'apprentissage d'un certain sujet et l'éditeur va proposer en plus des questions et des leçons qui vont combler votre vouloir d'apprendre et de savoir. C'est quelques applications. Il y a aussi A-Quiz qui est disponible sur Android seulement. C'est une plateforme de questions et réponses qui porte sur la culture générale, bien évidemment. Et le concepteur propose quelques petits plus, en fait, par rapport à ses concurrents. Donc, vous allez avoir 13 thèmes qui sont disponibles gratuitement et certains vont sortir du lot. Donc, par exemple, thème geek. Oui. Celui-là va se retrouver dans cette application-là. Ça va tester vos cultures générales de façon technologique et vous allez avoir de très nombreux modes de jeu. Donc, vous allez pouvoir avoir, par exemple, débutant, avancé, très avancé et tout ça. Et vous allez pouvoir y aller selon votre échelle de connaissances générale. Voilà. C'est parfait, ça. Génial. Tania, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Pour ta chronique, Tania is gonna entertain you. Alex Marchand, qui s'en vient tantôt. Dis-nous quelque chose qu'on ne sait pas encore, là, mettons juste. Ouais. Une connaissance générale. Ah, j'aime ça prendre le monde. Les alouches de la chasse-galerie sont vraiment bons. Ah, mais ça, on savait. Ah, là, franchement. C'est une connaissance générale parce que c'est pas tout le monde qui les essaye encore. Absolument. Alors, on se met là-dessus. Pour terminer la chronique, étant donné que j'en ai parlé tantôt, on écoute Rouge Pompier avec Mercredi, puis on vient avec Alex Marchand. Des fois, t'as l'air intéressé. Des fois, t'as l'air de t'amuser. Des fois, tu me regardes croche. Traces de bouffe d'en face. C'est-tu parce que t'es conne que tu catches pas mes farces? Je sais que t'as juste 3 ans et demi. C'est pas une raison pour décevoir ton père qui aimait un standard. Mais semble que t'es pas super vite. Mais semble que tu conjugues mal. Docteur Dougie à ton âge avait un diplôme médical. J't'en droit de te trouver un peu slow. Lancer des cailloux, c'est pas normal. Hey! Qu'est-ce que j'ai dit? Tu peux vraiment monter. C'est moi qui paye ta garderie. Dans ma tête existe. Ça me donne le droit de faire exprès pour être un peu nono avant que tu sois vrai. Puis que ton papa soit un idiot. Thank you. Rouge Pompier, mercredi, assemblage requis. On prend une pause au retour, comme j'ai dit tantôt. Alex Marchand va être là pour parler de l'AGEQTR. Puis après ça, je pense même qu'il va peut-être rester un petit peu avec nous autres. Ben oui, on va venir manger de la grosse pointe tendresse. Ah oui! Assemblage requis continue dans 2 minutes. Aujourd'hui. Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou! Cette édition d'Assemblage Requis vous est présentée en collaboration avec Prévention, Alcotube Plus. Assemblage Requis pour toi, aujourd'hui. Vous êtes toujours dans l'assemblage requis avec Tania Baudin et... Mathieu Plante! Et à côté de nous, il y a Alex Marchand! Hey, oui! Colin, il est barbu, ce gars-là! Oh, que oui! Tellement de belles barbes! J'ai taillé juste pour vous autres hier, en plus. Ah, c'est si gentil. On est jaloux. Pas Tania, là. Non, je suis... Ben, honnêtement, des fois, là, je me dis que ça doit être cool, avoir une barbe. Hey, j'ai fait ma barbe, on parle pas contre elle du tout, là, mais c'est-tu quelque chose... Mais t'en as pas vraiment... Les femmes à barbe, ça existe. Ah, ok, je pensais que tu parlais de ta barbe, pardon. J'en ai pas vraiment, tu trouves? J'ai un petit... Un petit duvet. Moi, c'est ça, je la garde taillée comme faut, là. Bref, ça pour dire, la pilosité n'est pas le sujet du moment, non? Ah non, Alex, tu ne parles pas de poils? Ben oui, pourquoi pas? Ah, ouais. Nice. Ah non, c'est la chronique de l'AGEQTR. Bouchez vos oreilles. AGEQTR, AGEQTR, AGEQTR. Peu importe ton âge, tu t'en vas à l'AGEQTR parce que l'AGEQTR, ça n'a pas d'âge. Yo, pro, pro. Alex Marchand, le président de l'AGEQTR, l'Association Générale des Étudiants. Bonjour. Ça va toujours? Ben oui, ça va toujours bien. Je viens de me réveiller. Ah, ben oui, merci. C'est ça, hein, commencer le jeudi matin à 8h avec ta chronique, mais ça fait quand même longtemps qu'on t'a pas rencontré depuis la fin, mi-décembre. Depuis une grosse pointe tendresse où David avait amené un somptueux gâteau qui a failli me faire une crise de diabète. Ah mon dieu, oui, hein. C'était quelque chose. Au potluck du 21 décembre, est-ce que c'est l'AGE qui a repris le reste du gâteau, je crois, oui, non? Oui, croyez-le ou non, on est passé à travers la moitié du gâteau à gagner. Oui, on a dû jeter le reste parce qu'on voulait pas qu'il pourrisse dans notre frigidaire. C'était mais tellement quand même... sucré. Hein. Ah oui, il y a les FC qui ont trouvé ça très agréable dans la bouche. J'imagine vous avez couru partout après, là, il y avait tellement de sucre là-dedans. Non, c'est... Ben, entre autres, Samuel... Tout le monde s'est endormi. C'est une affaire sociopolitique qui est quand même, il est capable d'en prendre. OK, ouais, vraiment, OK. Bien sûr que lui, il se lève déjà beaucoup pour aller courir partout, fait que ça n'a pas fait grand-chose. Changement d'alimentation n'a pas changé grand-chose dans sa vie de tous les jours. Allez voir les photos du gâteau, il y a une vidéo même sur la page Facebook d'Assemblage Requis. Donc, étant donné qu'on ne s'est pas parlé depuis le mois de décembre, on a plein de sujets à discuter ensemble. Commençons par le spectacle de la rentrée universitaire. Oui, effectivement, mercredi dernier, donc pas celui, pas hier, là, l'autre d'avant, on a eu le spectacle La Rentrée qui a réuni Gazo, qui est un DJ international qui provient du New Jersey, ainsi que Landmaid Veil, qui est un groupe québécois qui a fait entre autres plusieurs émissions à TVA, qui a fait, il était passé à Salut Bonjour aussi, donc quand même commence à avoir un nom assez intéressant. Ça a été deux shows qui ont été très bons, on a juste eu des bons commentaires, plus de 850 étudiants qui se sont rendus à la Chaise Galerie et au 10-12, ça a vraiment été, puis aucun incident majeur ou presque, sauf des personnes naturellement trop sûres qui sont parties en police, mais bon, c'est des choses qui arrivent à peu près à tous les parties si on veut, mais pas tant que ça, là, mais il y en a toujours un ou deux. Mais bon, pour sur 850 personnes, on s'entend pour dire que c'est un très bon ratio. Puis tout le monde a apprécié vraiment le groupe Landmaid Veil. Ils ont fait de l'animation de foule en plus de faire leur chansons qui sont des top 40 des dernières années des 90 à aujourd'hui, si je me rappelle bien. Puis Gazo ainsi que Krona, qui est DJ aussi de la région, qui a fait la première partie en fait de Gazo dans 10 d'autres. Qui a fait quasiment toute la soirée. Ouais parce que Gazo, c'est toi qui disais que Gazo était arrivé en retard, Tania? Oui, il est arrivé un petit peu tardivement. Tardivement. Il était supposé commencer à minuit et demi. J'étais pas là parce que le vestiaire est en train de déborder pour essayer. Ah mon dieu, oui. Hein? Ouais, ça c'était quelque chose. Il a fallu qu'on soit créatif dans le vestiaire. On ne savait plus comment réussir à faire entrer les autres manteaux. Fait qu'il a fallu qu'on trouve tout ce qu'on était capable de faire pour faire des supports. C'est quoi le max de la salle qui peut accueillir le 10-12? Le 10-12 peut accueillir 640 personnes. La chaise-galerie peut en accueillir 180. Puis la terrasse de la chaise-galerie 70 qui fait un total de 890 personnes. On n'a pas busté. Oh, mais on n'a pas assez proche. Il a calculé ses affaires parce qu'il s'est fait poser la question. Mais tu sais, les manteaux, là, ça prend de la place. Hein? Ouais. Inquiétez-vous pas, vous êtes en sécurité. La protection publique à l'UQTR, elle est très forte. Est-ce que vous leur avez donné du restant de gâteau à la sécurité publique pour les acheter un peu? Non, on l'a laissé sur le bureau de dinette. Ils ne sont pas peut-être servis. Donc ça, c'était le spectacle de la rentrée. Ensuite, la vente de l'agenda, je me rappelle de t'avoir vu là. On t'a croisé une couple de fois au kiosque dans l'Albert Tessier. Ouais, dans le hall Gilles Boulet, en fait, il y a entre l'Albert Tessier et le Ringuet, pas loin des cubes. C'est comme quand vous rentrez dans les cubes, comme le CRMS, parce que vous êtes dans le hall j'ai voulu à ce moment-là. Mais on peut encore s'en procurer au 1023 Paris, hein? Oui, exactement. Donc ça, c'est le bureau de notre adjointe administrative, José Mayou, qui est là le lundi et le mardi de 7h30 à midi et de 14h à 17h30. Donc vous pouvez aller vous en procurer un sans problème à son bureau. Les lundis, mardis, jeudi et vendredi, je le répète. Quels sont les coûts pour l'agenda déjà? 4$. Hey, si c'est vous pas voulez cher. Une tuque aussi, vous allez l'avoir pour 8$ si vous prenez l'agenda et la tuque. Si vous prenez seulement la tuque, c'est 5$. Donc prendre le combo, ça vaut la peine parce que vous économisez 1$ puis que la tuque est merveilleuse. Que c'est bien. démissions du VPCOM, là, ça continue comme toujours avec des démissions à l'AGE. C'est comme ça que ça arrive. Exactement. On fonctionne par cycle. Ouais. Et naturellement, ben, à chaque année, il y a quelques officiers qui réalisent que leur session prend beaucoup de place, qu'ils veulent réussir dans leurs études puis qu'ils ne voient pas comment ils peuvent mélanger l'implication et l'étude. C'est sûr que le GEQTR, c'est un engagement qui est assez probant, c'est beaucoup de travail. C'est une belle expérience de vie, par exemple. On apprend beaucoup, mais vraiment beaucoup. Puis c'est de l'expérience terrain, c'est de l'expérience concrète. Mais c'est pas tout le monde qui est capable d'agencer son horaire avec le GE. Donc, ils font le choix parfois de démissionner. Donc, en fait, vous avez jusqu'à aujourd'hui, si vous désirez soumettre votre candidature, vous avez jusqu'à aujourd'hui 16h pour aller avoir rempli tous les documents ainsi que les 60 noms que vous devez obtenir sur le formulaire de mise en candidature. Vous pouvez aller vous procurer ça au 10-23, je crois. L'avion d'habitude. Je m'excuse, je pense que c'était le 10-22 tantôt pour l'adjointe administratrice. Le 10-23, c'est notre secrétaire général. De toute façon, demandez-le, il y a tout le temps quelqu'un pour vous aider. Aujourd'hui, étant le 19 janvier pour ceux qui écoutent en direct. Oui, exactement. Puis, c'est ça. Bref, vous allez pouvoir procurer un formulaire de mise en candidature. Puis, on devrait avoir l'élection qui va se dérouler dimanche à partir de 17h en CE. Oui. Donc, on a 3 postes à combler, je vous le rappelle. Donc, ça a été une rentrée assez rough, je vous dirais. Là. On est supposé être 9 en théorie, puis une rentrée pour le GEQTR, c'est beaucoup de travail. Étant donné qu'on avait des activités comme le show de la rentrée, par exemple, puis cette semaine, j'avais 15 rencontres en 3 jours. Fait que, tu sais, ça fait quand même une bonne charge de travail, mais on risque d'être capable de déléguer à partir de la semaine prochaine lorsque les nouveaux officiers vont rentrer en poste. Absolument. Ensuite, on passe au futur. On commence avec le colloque étudiant-chercheur. Oui, colloque étudiant-chercheur pour les étudiants du cycle supérieur qui que ça intéresse. En fait, ça se passe aujourd'hui de 8h30, donc dans 12 minutes, si vous avez le temps de courir en sortant de votre voiture. Ça se déroule à l'atrium. C'est organisé par la vice-présidence aux affaires académiques de cycle supérieur. On parle ici d'Alexandre Côté, aussi connu sous le nom de Crona. Ah, ok, c'est le DJ de ton nom. Oui, exactement. Puis, en fait, lui, il a organisé ça. La thématique, c'est sur les emplois académiques. Donc, entre autres, tu vas avoir le doyen des études de l'UQAC qui va venir faire une conférence. Il y a plusieurs professeurs de l'UQTR. Il va y avoir quelqu'un de Taisez-vous aussi, qui est une activité d'isolement pour les étudiants qui veulent écrire une thèse, puis qui peuvent aller dans un endroit calme. Taisez-vous. Ouais. C'est un jeu de mots. Oui, exactement. Ah, c'est clair, Mathieu, c'est sûr que t'as ça. Tu vas faire une maîtrise juste pour pouvoir y aller. Ensuite, la porte ouverte du pavé. Là, on parle pas d'un problème avec le lecteur de cartes et la porte reste ouverte, là, c'est pas ça? Non, exactement. C'est qu'on veut que le pavillon de la vie étudiante, qui est celui qui est annexé au Néré-Beauchemin, en fait. Mm-hmm. Néré-Beauchemin étant le pavillon où se trouve la chasse et la 10-12, ainsi que les bureaux de groupe média étudiant puis le studio de C'est fou. En fait, on veut que ce pavillon-là soit plus connu, que les étudiants aient un peu plus le réflexe d'y aller. Ils savent qu'il y a un conseil exécutif pour leur association étudiante où ils peuvent aller chiller, si on veut, dans le local ou travailler dans ce local-là, où tu sais, vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, on veut vraiment que les étudiants sachent un peu plus que oui, il y a une possibilité, il y a des locaux qui leur appartiennent puis qui leur appartiennent selon leur programme d'études. Donc, ils vont pouvoir aller voir ça. Puis, on leur offre des hot dogs, entre autres, puis on a un tirage aussi, des prix à faire tirer. Donc, que le PAF ouvre pas juste le soir à 9h30 quand la chasse ouvre. Oui, c'est ça. Il est pas mal tout le temps ouvert, en fait. Hein. Exactement. Ouais, est-ce qu'on a déjà parlé en nombre de pourquoi il n'y avait pas de logo de la GE à l'extérieur du pavé? À l'extérieur, qu'est-ce que tu veux dire? Sur le gros bout de bois là, qu'il y a sur le pavé à l'avant, il n'y a pas le logo de la GE. Ah oui, c'est ça, on est en démarche présentement. Génial. On était en train de ça allait bien, mais l'UQTR s'en est mêlé. Surprise! Ah, je vous en parlerai à quelques personnes sur le conseil exécutif. Les bâtons souvent, des roues, des fois. Ben, c'est pas nécessairement des bâtons des roues, c'est qu'on est dans un système qui est bureaucratique. Ouais. Puis, c'est veut pas, ça découle d'un ministère. Puis, que des fois, c'est compliqué dans le système public. Le pavillon vous appartient techniquement pas. Non, tout il ne vous appartient doit pas. Être approuvé. Ouais. Oui, exactement. Puis, ce qui est fun aussi, c'est que c'est funky, l'UQTR. Parce que le GEQTR, en fait, les membres de le GEQTR payent un loyer en plus de payer l'hypothèque. Puis en plus, ben là, quand on fait des rénovations, faut payer les rénos aussi. Fait que on est comme dans une espèce de fuck-up légal à ce niveau-là. Que oui, tu sais, vu qu'on est sur le terrain de l'université, le terrain appartient à l'université. Fait qu'en théorie, ils ont le droit de nous charger un loyer, mais considérant que les étudiants payent l'hypothèque, c'est comme. C'est fucked up. Ouais. Parce que si je regarde le pavillon des arts, ils ont maintenant leur petite enseigne Galerie R3 à l'extérieur. Ouais, mais ça a pris 20 ans avant de l'avoir. Ouais, c'est ça. Mais au moins, on sait que ça se fait. Ouais. Oui, exactement. Mais c'est oui, ils l'ont pas demandé. Donc, à la base, fallait passer par le comité de toponymie de l'UQTR pour que ce soit possible, en fait. Parce qu'à la base, on avait la soumission toute. On était prêt à les faire poser. Ah, ouais. Ouais, pratiquement. Mais tu sais, il était pas encore tout à fait fini. Mais tu sais, il était prêt à les faire crafter. On avait juste à l'appeler, puis c'était parti. Sauf qu'on en a parlé au directeur du service de l'équipement de l'UQTR qui nous a dit que le comité de toponymie devrait approuver avant. Puis là, on a rencontré M. Yvon Laplante, directeur des communications de l'UQTR, qui nous a dit qu'il fallait il allait avoir besoin d'une certaine uniformité, okay. Ben, puis qu'il fallait que ça passe par le comité de toponymie aussi. Mm-hmm. Fait que, ben, finalement, ça a été déjà passé par le comité de toponymie. On est retourné dans les anciens procès-verbaux de CA de l'UQTR. Fait que, là, ben, à ce moment-là, on est correct, mais tout ce qui reste à faire, c'est d'adapter un peu aux normes que l'UQTR veut mettre. Pour que ça ressemble à l'UQTR et non pas genre que ça clash avec le reste du décor. Oui, exactement. Ah, on a une espèce d'uniformité, ouais, ouais, exactement. Donc, vert et orange. Ouais. Mais au moins, vous avez le logo de la du 10-12. Non, de la chasse-galerie dans le 10-12. En fait, on va avoir le logo sur l'espèce de l'affiche en bois, ouais, en dehors du pavillon de la vie étudiante. On va avoir le logo de la GQTR. Puis c'est à l'intérieur des portes qu'on va faire coller des espèces d'affiches pour la halte garderie et la chasse-galerie, en fait. Okay. Non, c'est à l'intérieur du 10-12, j'avais pas vu quelque chose avec un logo. Ah, de la GQTR, ouais. Ça, c'est un gobo aussi. Oh. On avait fait. Projeté, illuminé sur le. Oui, exactement. On prend une espèce. Pas un projecteur, mais une lumière, en fait, une espèce de LED. Il y a une plaque en métal qui va couvrir cette lumière-là puis qui va projeter le logo, donc on l'a fait faire en vert pour le GQTR. Donc, ça l'ancien permis, logo, en passant. Mm-hmm. Ouais, ça a permis aux... Ça coûte cher, fait qu'on le refera pas facile. Ouais, c'est clair. Puis en même temps, ça permet aux étudiants de savoir puis que ce soit hors de tout doute que c'était le GQTR qui organisait le party. T'sais, en même temps, ça permet un peu aux étudiants de comprendre où va leur cotisation puis de ne pas s'insurger lorsqu'on demande des trucs. C'est ingénierie aussi, je pense qu'ils ont fait ça quand ils ont des parties. C'est fou aussi. Ouais. On a aussi un groupe. Oui, c'est vrai. Ensuite, donc, tu vois, ma curiosité nous a amené à différents points, là, mais on retourne à notre plan. Planification stratégique, c'est le prochain point. Oui, je viens d'ailleurs de voir que lorsque je t'ai envoyé le message, j'ai marqué planification stratégique. J'ai même pas remarqué. c'est assez comique. Stratégique. Ah, stratégique. J'ai pas mis d'accent. Mon Dieu, ok, je vais faire attention à mon orthographe, Mathieu. Tout ça pour dire que dans le cadre de la planification stratégique quinquennale, donc on parle d'une planification stratégique sur 5 ans de la GEQTR, on a un questionnaire qu'on va envoyer à la population étudiante. À partir de lundi prochain. Je vous invite à le remplir. Il va y avoir 250$ en prix à faire tirer pour ceux qui vont remplir le questionnaire. Faut tout en faire ça. Donner du nanan pour que les gens fassent des affaires. Ben, qu'un, pas le choix. Même ça marche en 2017. Exactement. Puis, d'un autre côté, en fait, ça va nous permettre d'avoir suffisamment d'informations pour bien orienter le GQTR dans le futur. Puis, savoir, en fait, où se positionner. Puis, qu'est-ce que les étudiants veulent. C'est quoi leurs intérêts. Puis, c'est quoi un peu leur rythme de vie. Combien d'heures vous travaillez par semaine. C'est vraiment, c'est des informations générales qui vont vraiment nous permettre de faire le maximum, en fait, pour eux. Donc, je vous invite à le remplir. Ça va être vraiment apprécié. On espère avoir 1000 personnes qui vont le remplir. On va vous tenir au courant lors de la chronique de la GQTR, ouais, à chaque semaine. Donc, c'est à partir du lundi 23 janvier. Oui. Ensuite, prise en compte sur violence sexuelle de la ministre. Est-ce que ça veut dire que vous voulez violer la ministre? Donc, non, pas tout à fait. Non, OK. En disant ça, la SQ va être débarquée. Ouais, c'est ça. Je suis boum. Deux heures. Mais non, en fait, c'est que ce qui arrive, c'est qu'il y a la ministre qui fait des consultations. Il va y avoir 5 consultations entre à Sherbrooke, à Québec, à Montréal, à Chicoutimi ou à Rimouski, je ne me rappelle plus exactement. Puis, en fait, c'est pour savoir la violence sexuelle sur les campus suite à un peu à ce qui s'est passé dans les médias au courant du mois d'octobre, si je me rappelle bien, novembre. Donc, elle veut donner une suite à ça toujours et faire des consultations dans le fond, aux associations étudiantes, aux administrations universitaires pour regarder un peu c'est quoi le terrain présentement puis qu'est-ce que le ministère de l'Éducation, d'enseignement supérieur pourrait faire pour que les violences sexuelles sur les campus soient... Ben, on se prévienne, en fait, ce genre de situation-là. Puis, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'elles surviennent pour améliorer la situation? Parce qu'on a constaté qu'il y avait un déficit au niveau du Québec dans l'intervention, justement, par rapport à ce genre de situation-là. Donc, on veut vraiment... On veut se réunir avec les autres associations étudiantes en fin de semaine. Ça se passe à Sherbrooke pour un peu avoir un discours qui va être commun. Puis, parler d'une même voix. Donc on considère que ça va être beaucoup plus ça va avoir beaucoup plus d'impact au niveau de la ministre si on dit toute la même affaire. Donc on va se réunir pour en discuter en fin de semaine. Super. Ensuite, je pense qu'une des seules activités qu'il n'y aura pas au carnaval, c'est du viol. Donc parlons du carnaval. Oui, effectivement. C'était tellement genre malaisant. Il y a de tout au carnaval sauf du viol. Ça, oui, c'est non. Oui, effectivement. D'ailleurs, j'imagine que le groupe Action Femmes va venir faire un tour pour justement faire la vigile dont il parlait. Donc, ça va réduire encore plus les chances. Donc, en fait, tout ça pour dire que le carnaval se déroule lundi prochain. À partir de lundi prochain, il va y avoir plusieurs spectacles, entre autres Karine Moellette et plusieurs humoristes aussi. Et comme c'est organisé par ses fous, faut dire, Karim, un peu. Hein? Oui, effectivement. Voilà. Effectivement. Parce que je m'étais mêlé l'autre fois avec le carnaval, avec le show de la rentrée, puis le carnaval, c'est celui du carnaval qui est. Oui, exact, c'est vrai. Ouais. Oui, effectivement. Donc, sur plusieurs spectacles à tous les soirs. Les inscriptions étaient fermées en date de lundi. C'est jam-pack? Non, pas tout à fait. Ils ont été rouverts en fait les inscriptions pour les chandails. Donc il restait quelques places. Il y a beaucoup de monde qui ont harcelé la coordonnatrice du carnaval. Donc après ça, elle a vu qu'il y avait une demande, puis il restait encore quelques places. Donc elle a décidé de rouvrir les ouvertures. Voyons pour les ouvertures. Qui organise le carnaval? Amélie Trottier-Lacombe. D'accord. Très petite, mais très sympathique. On la voit passer tout le temps devant nos bureaux, puis c'est comme à peine si on le voit dessus de la tête. C'est vrai. Tout ça pour dire que c'est ça. Le lundi prochain, le carnaval, ça va être merveilleux. Allez vous inscrire, vous ne regretterez pas. C'est l'expérience d'un bac ou d'une maîtrise ou d'un doc. J'ai jamais vu quelqu'un au doc, je crois, encore. À part si c'est un bac, maîtrise, doc, là. Mais bon, c'est vrai que les Kiros sont très forts au carnaval. D'ailleurs, mm-hmm. On se demande si cette année, ils vont encore l'emporter. Donc, stay tuned. Exact. Donc, toutes les activités classiques sont là. En plus de Karim Moellette, tu l'as dit aussi, show d'humour. Catherine Levac va être là. Oui, Catherine Levac, c'est vraiment cool. Le quiz, c'est fou. Si je me rappelle bien, c'est lundi. Mm-hmm. Donc, dès le premier jour. On travaille là-dessus jusque-là, jusqu'à la dernière seconde. Mm-hmm. Et puis, moi, je me rappelle que jeudi, ce qui nous touche assez fou, c'est le spectacle d'improvisation. Donc, ça, c'est à 15h30 au 10-12. On aura l'occasion de reparler du carnaval pas mal de fois, j'imagine, la semaine prochaine. Oui. On va s'organiser ça. Puis jeu gonflable dans le caps, bain de neige, Quidditch, va encore avoir sûrement beaucoup de trucs comme ça. Puis cette année, la thématique, c'est les séries télévisées et les films. Donc, allez voir les gens de votre association étudiante départementale. Donc, les autres, ils ont eu une thématique. Puis vous allez devoir vous costumer toute la semaine pour respecter la thématique. Donc, c'est encore plus drôle un peu. Puis Café Bailey toute la semaine aussi. Est-ce que pour les spectacles, show d'humour et tout ça, il faut absolument être étudiant pour y aller durant le carnaval ou n'importe qui de la ville de Trois-Rivières qui a le goût d'aller voir Karim Moellette a le droit d'y aller? ça prend un t-shirt du carnaval pour pouvoir entrer dans la salle comme toutes les activités. Entre autres, pour ceux qui ne la connaissent pas, la fameuse Shop d'or qui est un événement où c'est le fun de s'en rappeler, mais pas grand monde le fait. S'en rappelle? Tout ça pour dire qu'en fait, il y a beaucoup d'activités. Aussi, le rallye, entre autres, il y a une nuit complète, il y a des gens qui vont aller un peu partout au Québec pour aller prendre des photos de différentes affaires. Il y aura plein de belles activités au carnaval. Vous voulez vivre ça. Absolument. Allez vous inscrire. C'est au local du carnaval, dans le pavillon de la vie étudiante. Venez nous voir à la GQTR, on va vous référer. Ben oui, c'est ça, c'est tellement facile. Tu sais, pour dire que la semaine prochaine, peut-être que tu seras pas là vu que tu auras arrêté au carnaval, c'est ça? Non, mais pas long, je suis en observation. J'ai des rencontres toute la semaine. Je peux pas le participer, malheureusement. Dernier point, quelque chose que tu dois préparer, j'imagine, en ce moment, c'est le CA de dimanche. Oui, exactement. Donc, on a eu. Étant donné qu'on a eu trois démissions, donc trois postes vacants, au total, j'ai pris certains comités sous mon aile. Donc là, on a eu une rencontre du comité de relations de travail, du comité de rédaction et de suivi du plan de développement, que celui-là, c'est mon comité, le CRT aussi. Puis le SAGE hier, qui s'est penché sur la cuisine froide de la chasse galerie, entre autres. Donc on va Y a-t-il des controverses déjà? Non, pas du tout. Non, c'est juste que c'est pour faire un suivi, en fait, autour de ça. Puis on va en discuter justement en CA en fin de semaine prochaine. Il y a plusieurs dossiers aussi qui s'en viennent. Je vais pouvoir vous revenir là-dessus jeudi prochain. Super. Merci, Alex Marchand. Et merci à vous. Président de la GEQTR. On le retrouve tous les jeudis à 8h ici même à l'Assemblage Rock. Oui, effectivement. Tu restes avec nous? Ouais, oui. Pour le prochain bloc, surprise. Tantôt, une grosse pointe tendresse s'en vient avec une invitée spéciale. Pour l'instant, on écoute The Darcy's avec 1988. Ça, c'est fou. It's only San Diego, 1988. And we could go all the way down to Mexico. And drive the night through, follow the interstate. There's no reason to wait, no reason to wait. The Darcy's 1988 sur l'âge requis au retour de la pause. Ça existe, ça ne devrait pas là. Mm-hmm. Et une grosse pointe à l'adresse plus tard. Oh my God. Restez là. Aujourd'hui. Vous êtes dans la zone 89. Cette édition d'Assemblage Requis vous est présentée en collaboration avec Prévention, Alcotube Plus. Assemblage Requis pour toi, aujourd'hui. Toujours à son lâche requis en ce jeudi 19 janvier 2017, elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Tantôt, j'ai dit qu'on gardait Alex Marchand. En fait, on le perd c'est et fou. On le récupère. On l'a shippé, il va nous revenir tantôt. Genre dans une demi-heure environ, il va revenir avec son invité spécial. C'était déjà prévu, j'avais juste oublié. Fallait qu'il y aille la invité spécial chercher. Où l'est? Je sais pas. On sait pas. C'est une chose qui va être invitée tout à l'heure. À demain. Mais maintenant, on a le temps, ça veut dire de s'acheter des choses et ça tombe bien parce qu'on est jeudi, le jour le paye pour bien des gens. Donc c'est voici, vrai. Ça existe, mais ça ne devrait pas, on l'a. Ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a, la chronique où on achète des choses sur Internet et on le regrette instantanément. Commençons par un kit pour tester les ITS à la maison. Oh! C'est vrai, ça existe, les résultats de tests dont vous avez besoin, tout en évitant le malaise qu'on peut avoir quand on doit se présenter chez le médecin. Puis on le sait, hein, c'est quelque chose qu'on devrait faire beaucoup plus couramment que l'on fait. Absolument. Surtout que vous avez un partenaire, Comment vous êtes sur Tinder? C'est ça. Procurez-vous cette chose. Donc, c'est un ensemble discret et on dit précis qui utilise les mêmes procédures qu'en clinique. Donc, c'est un test pour les infections les plus à risque et ça livre un résultat en seulement 3 jours. Donc, j'imagine qu'il faut envoyer des échantillons par la poste. Sûrement. Et se faire analyser ça. Ça coûte, c'est quand même cher, là, mais pour éviter un voyage chez le médecin, c'est 115 $ 58 canadiens pour l'ensemble. Ça s'appelle le MyLab Box et leur slogan, c'est Safe is Sexy. Ensuite, dans ta voiture, Tania, des fois, tu manques de place, peut-être. Oui. Tu sais, mettre les choses en valise, c'est cool. Sur le siège arrière, ça va. Non, il y a trop de choses dans ma voiture. Trop de choses. Donc, tu as besoin de cet organisateur, si on veut. C'est comme un sac à dos, mais qui se branche après l'appui-tête de ton siège. Ah, donc, à l'arrière, tu as comme une boîte à lunch avec de l'isolant dedans, un peu comme les sacs d'épicerie isolants. Donc, tu peux mettre tes breuvages et tout ça. Et tu as des pochettes de mèches sur les côtés, un genre de string, pour pouvoir mettre des bouteilles d'eau, des paquets de gomme, des menthes, peu importe. Et en dessous, ce qui est le plus cool, je trouve, le meilleur c'est qu'en bas complètement du sac à dos, entre guillemets, t'as une fente pour insérer une boîte de Kleenex et tu peux passer le Kleenex au travers. C'est merveilleux parce que tu sais, dans une voiture, là, la boîte de Kleenex se ramasse tout le temps aplatie. En dessous de d'autres choses. En dessous d'un siège, bien évidemment, mais en arrière. Oui, il y a souvent tes souliers par-dessus, je sais pas trop quoi. Oui, racing suit, tout est par-dessus. C'est... Tout le monde a son habit de course, évidemment, dans son auto. Hein. C'est un bel exemple, cette année. C'est pour aller plus vite en voiture. OK. Donc, tout est compris là-dedans. C'est pas compris, vous allez devoir vous les procurer vous-même, les bouteilles d'eau, mais tout est bien compartimenté. Pour 13h15 canadiens. Ce qui est fun aussi, c'est une petite poubelle. Oui, c'est vrai. Qui est un peu dans le même style de sac. Là. On pourrait l'attacher après, même après ça. Ah, tout à fait. Pour sauver la place, on dit tout le temps d'y aller dans le vertical quand tu commences à manquer de place sur l'horizontal. Ensuite, tout est intelligent de nos jours, on le sait, on le dit à chaque maudite chronique. Et bien maintenant, ce qui devient intelligent, ce sont vos semelles de souliers. Oh, OK. Oui, c'est des semelles chauffantes et chargées sans fil pour garder vos pieds bien au chaud lors de soirées d'hiver froides. Vous pouvez placer donc ces semelles-là dans vos souliers avant de sortir. C'est ultra léger, mince comme du pépier. Ça peut être contrôlé à distance par votre téléphone intelligent. On voit sur l'application la chaleur de chaque semelle et on peut l'augmenter, la descendre. Et même, il y a un petit icône qui vous dit chaleur maximale quand vous êtes au max. Ça coûte 170 $ canadiens. Pas si pire. Ouais. Ensuite, Moonlight, c'est un projecteur pour les histoires. Tu sais, quand vous contez une histoire à votre fils, fille, neveu, nièce, peu importe, ben, avec votre téléphone intelligent, vous pouvez faire un peu comme les diapositives qu'on avait dans le temps. C'est un gadget rouge, tu clenchais sur le côté puis t'avais oui. une petite roulette. Dieu. C'est un peu la même chose. Ça? Ouais. Là, ça faisait ça quand tu descendais la manivelle. Ah! Je ne sais plus. Bref, c'est le même principe avec Moonlight, le Bedtime Story Projector. Donc, c'est un projecteur d'images en HD avec effet sonore dans l'application. Donc, vous allez pouvoir lire des histoires à vos enfants ou peu importe avec le projecteur qui va envoyer ça sur le mur. Vraiment très cool. 4 étapes faciles. Donc, on insère la bande dans le projecteur. Ensuite, on attache le projecteur au téléphone par-dessus votre lumière LED, le flash en arrière de votre téléphone. Mm-hmm. Ensuite, vous ouvrez l'application Moonlight, vous lancez votre histoire préférée et les projections en couleur Full HD et les effets sonores vont changer votre heure d'histoire en heure magique. Voilà. Ensuite, un toaster pour les grilled cheese. Un toaster pour grilled cheese. Ouais, t'as sûrement déjà vu les petites enveloppes d'un genre de papier ciré ou je sais pas trop quoi pour faire des grilled cheese dans ton grille-pain. C'est des enveloppes réutilisables, je sais pas si t'as déjà vu ça. OK, non. Tu mets ton grilled cheese à l'intérieur de ce sac-là et le sac dans le grille-pain, c'est super cool. Ah ouais. Ah ouais, mais moi j'ai déjà eu comme une affaire gaufrier mais à grilled cheese. Sinon, il y a aussi les petites une poêle, une minuscule poêle avec un couvercle en fonte que tu mets par-dessus pour faire aplatir ton sandwich. Ben ici, on a vraiment un grille-pain qui est fait expressément seulement pour les grilled cheese. Ça ressemble un petit peu, je dirais, à quelque chose que tu ferais tremper dans de l'huile. Donc, t'as vraiment un petit panier pour ton grilled cheese. Donc, tu fais ton grilled cheese avec ton fromage à l'intérieur, tu mets du beurre, peu importe. Tu mets ça dans le petit genre de panier avec une poignée. Et le panier va descendre dans le grille-pain qui est fait exprès pour recevoir ça comme une friteuse. OK? Sauf qu'évidemment, c'est pas une friteuse, c'est un grille-pain. Hein? Mm-hmm. Donc, ça s'appelle le Grilled Cheese Toaster qui ressemble visuellement à un grille-pain normal, mais en plus jaune. En fait, c'est un genre de jaune fromage, tranche de fromage. Hey boy! Si on veut. Donc, c'est vraiment puissant orange. Ça existe depuis 1995 quand même. Donc c'est ça, tout ce que vous avez à faire c'est mettre vos ingrédients préférés. Évidemment, il faut que ce soit des ingrédients qui tiennent ensemble. C'est bien le fun des fois de faire des, je sais pas, un sandwich avec peut-être fromage et mettons jambon. Je sais pas si ça va tenir complètement, peut-être. Mais peut-être pas des champignons ou des légumes comme ça, ça pourrait pas tenir, t'sais. Parce que c'est à la verticale quand même. Aucun nettoyage à faire, super simple. C'est parfait peut-être même pour les étudiants dans leur dortoir. C'est parfait pour peut-être la salle de pause au bureau. Évidemment, ça pourrait être dans votre bureau aussi, si vous voulez un grilled cheese n'importe quand. C'est super. C'est la compagnie Smart Planet. Ensuite, on revient aux choses chauffantes après les semelles de tantôt. Maintenant, c'est un manteau, un hoodie, un genre de veste chauffante. Donc, c'est pour l'hiver, bien sûr, avec une batterie 4400 mAh, fait pour réchauffer l'avant et l'arrière. Donc, le torse et le dos, parfait pour vous garder tiède chaud, bien longtemps. Donc, pour un hoodie, c'est vraiment cher, quand même, 190 $. Canadien. Ensuite, celui-là, Tania, m'intrigue. Je sais pas quoi en penser, en fait. C'est un cadran qui est aussi un vibrateur. Pour femme, bien évidemment, parce qu'un homme... Tania, sois pas aussi réductrice, ça pourrait être pour un homme aussi dans le péteux. Ah, donc... tu vois, j'y avais jamais pensé. Donc, vous allez peut-être avoir hâte que votre réveil matin vous réveille avec la radio dans le péteux ou en avant. Mais donc, pourtant, la description dit que c'est fait pour mettre dans ton engin à bébé. Oui, mais tu peux, en tant que tel... Ton péteux n'est pas un engin à bébé. Non, je comprends, mais la forme qu'il a, c'est adaptable à pas mal d'endroits, non? Oui, comme ça. Et si tu peux juste le laisser en-dessus de ton oreiller aussi. Aussi, mais c'est pas aussi plaisant. L'engin du devant, là, c'est-tu moins sale que l'engin d'en arrière? Pas sûr. Je sais pas. Je sais pas. Tu sais, en tant que tel, mettons, tu te mets un... En tout cas, on pourrait ne pas aller dans les détails plus que ça. Bref, ça entre dans votre CSAP. Et puis, ça a des caractéristiques, fonctionnalités spéciales qui remplacent le beep par un petit buzz qui vous donne du plaisir. Et en plus, c'est ça. Ça réveille, mon gars. C'est un méchant temps. C'est drôle parce que sur les icônes qu'il y a sur le vibrateur, ça marque bon, à 7h30 AM avec le petit point d'exclamation pour dire j'imagine que l'alarme est activée. Et t'as aussi des barres Wi-Fi. Ah, c'est la vibration, c'est écran petit à côté. Ah, tu mets la vibration à différents degrés. C'est toi qui gères la vibration de comment tu vas te réveiller. C'est pas graduel. C'est non. Bang. Et c'est en forme, je dirais, on dirait lune. Tu sais, les lunes en genre de petite mousse, là, jujube, là, que tu manges, jaune, là, genre sirop. Là. Ça ressemble un petit peu à ça, je trouve. Courbé un peu. Mais ça veut dire qu'il faut que tu passes la nuit avec ça? Oui. Et ça coûte 115 $. Es-tu capable de contrôler pour garder ça toute la nuit? Ben, ça tombe... Ça doit être fait pour pas tomber. Mets donc ton alarme de celui-là. Ah, toi puis le plaisir, hein, t'as une relation amoureuse avec le plaisir, je pense. Mais non, mais comment tu veux garder ça là toute la nuit? Ben c'est la forme, j'imagine, qui doit être faite pour ça, non? Ça s'accroche à l'intérieur, genre? Ben là, je sais pas. C'est une bonne question, j'en ai aucune idée. Tu vois? Mais j'imagine que ça doit. Sinon, ça n'existerait pas, hein? Ben je sais pas. Tu vois? Est-ce qu'on continue avec autre chose? Oui! On continue avec... c'est un fabricant de s'mores, oh! Mais pour le micro-ondes, c'est super cool. C'est mignon! C'est vraiment mignon. C'est comme une base, je te dirais, qui ressemble à une paire de fesses. Okay? Oui. Rouge. Et t'as, si on veut, un torse à l'extrémité, avec des mains qui viennent aplatir ou tenir le s'more. Donc, tu vas prendre des biscuits Graham, un morceau de barre de chocolat, une guimauve, et ton deuxième biscuit Graham, et les bras du torse descendent pour venir faire une pesée dessus. Et tu mets ça au micro-ondes et ça fonctionne super bien. Ça vaut la vaisselle. Ça permet de faire deux s'mores à la fois en seulement 30 secondes sans aucun dégât pour seulement 13$ canadien. J'adore celui-là. Ensuite, toujours pour les... en fait, est-ce que... oui, c'est ça. Toujours pour les amateurs de nourriture, tiens, c'est le multi-outil, le multi-tool ultime pour les foodies. OK. C'est Mark Windsor de chez Full Windsor qui a recréé un peu le multi-outil du survivaliste, là, ceux qui veulent survivre en forêt et qui ont une espèce de canif multitâche. Mais en lui donnant un focus alimentaire, en combinant 10 éléments essentiels en un seul appareil de 20 onces. Ça ressemble à un... je dirais, ça ressemble à une fourchette de pimp. OK? Ouais. Donc, le côté fourchette... De pimp. Ouais, ça a l'air plus violent que ça devait être. OK. Mais bref, le côté fourchette creux un petit peu pour faire une genre de cuillère polygonale, si on veut. Le côté fourchette, évidemment, a deux pics dans le milieu et deux pics sur les extrémités qui sont moins coupantes pour pas te faire mal. De l'autre côté, entre extrémité, t'as un couteau avec des vraies dents, là, des vraies dents intenses. Et je crois même que de l'autre côté du couteau, t'as un ouvre quelque chose. Je sais pas trop. Un ouvre bouteille, un ouvre plein d'affaires. Ça va dans une étui de cuir qui vient avec. Ça s'appelle le Muncher. Tu peux même partir un feu avec ça. Tu peux couper des fils. T'as un tournevis, t'as un ouvre boîte de carton, pas de boîte de conserve. C'est ça. Tu peux tout faire avec ça. Tu peux éplucher. Et puis là, c'est ça le côté du couteau. Oui. Le côté épluche. Bref, c'est fait de titane grade aérospatial. C'est présentement sur une campagne Kickstarter qui a beaucoup de succès. Et on peut l'avoir pour une contribution de 35$ ou plus américains pour un temps limité. C'est très cool. The Muncher, ça vaut la peine, ça, je pense. Ensuite, une chaise de bureau ajustable côté température. On a parlé tantôt d'un hoodie et de smell de chaussures qui pouvait être arrangé côté température avec une application. Rester à la température idéale au bureau avec des ventilateurs spéciaux qui vous permettent de réchauffer ou de refroidir votre chaise. Il y a un panneau de contrôle sur la chaise en tant que telle. Évidemment, tout ça ne vient pas à un petit prix, là. Hein? On parle de 2194,50$ canadiens. C'est incroyable. Je pense que je m'endormirais, moi. Ah, c'est possible, ouais, j'avoue, même le bruit de la femme, des fois, c'est endormant. Je suis d'accord avec toi. Je suis pas sûr que j'aimerais ça. Moi non plus, puis c'est bien trop cher, de toute façon, pour une chaise de bureau. Ah, même pas là, c'est confortable que ça. Les bras sont même pas ajustables en hauteur. Mm-hmm. En tout cas, je pense pas. Peut-être. Ensuite, continuons toujours dans le gadget de Sex Smith, ça ne devrait pas, on l'a. Tu sais, de nos jours, on apprend moins, ou même, tu me corrigeras, mais il me semble que c'est. Je pense qu'on apprend plus du tout aux enfants à écrire en lettres attachées. Et je sais pas, c'est une bonne question. Il me semble que non. Il y a des adultes qui ont de la difficulté à écrire en lettres attachées. Il y a des gens qui moi, écrivent... je fais les deux. Ouais, moi aussi, ben oui. Parce que je suis gauchère. Oui, OK. C'est du moment que j'écris en lettres attachées, tout suit sur ta main, ouais. ouais. J'ai jamais vécu ça, mais je comprends, c'est plate, ça. Tandis qu'en lettres détachées, ben au moins ma main, elle décolle du papier. Tu devrais venir. Tu devrais vivre au Moyen-Orient ou écrire de droite à gauche. Ah, ça serait cool, en ça. En tant que gaucher, ça serait... Ça serait malade. Je pense que j'ai commencé à faire ça. C'est bizarre parce que là-bas, j'imagine que la proportion gaucher-droitier doit être à peu près pareille, puis tout le monde écrit dans le sens contraire. Fait que c'est les droitiers qui se font chier, ça. Peut-être. C'est bon. Bref, transformez vos pattes de mouche ou votre écriture en lettres majuscules de personnes qui n'ont pas appris à écrire autrement avec le livre Hand Lettering 101. C'est un livre d'un réseau social, non, d'un... Ouais, c'est ça, adoré par les gens sur les réseaux sociaux, apparemment. Ça s'appelle Chock Full of Love, mais c'est un jeu de mots avec Chock Full et Chock comme de la craie. Hein? Donc, c'est une façon étape par étape, mais pour les adultes, d'écrire. C'est pareil comme au primaire, mais fait avec des mots un petit peu plus évolués, peut-être, puis des plus grands espaces pour écrire. Donc, 40$ canadiens environ pour le Hand Lettering 101. Wow! Ouais. Ensuite... t'as un distributeur, peut-être... Bon, la mode, il y a quelques années, je sais pas si ça l'est encore, était au distributeur de savon pour les mains dans les salles de bain. Mais tu sais, automatisé, tu passes ta main. Oui. On parle de la maison chez vous, là. Ouais. Tu devais acheter des recharges super chères, là, bon, c'est... Pour vrai, après 6 mois, tu te tannes du prix de ces gros savons-là. En effet. Mais bref, c'était quand même le fun d'avoir accès à ce savon-là. Moi, j'achète pour la douche, le gel de douche en gros contenant avec une pompe. Là. Je trouve ça super bien. Mm-hmm. Ben, maintenant, on peut avoir la même chose pour le détergent à lessive. Oh, OK. Donc, c'est une station de savon à lessive. Ça ressemble un petit peu à l'extérieur du Tide, parce que c'est un orange très, très Tide, ou Home Depot, ou Rona, ou tout le monde qui est orange. Je pense que c'est bien à la mode, l'orange. Bref, c'est comme ça, et c'est comme un genre de... On dirait un contenant à gaz, presque, mm-hmm. mais mis sur le côté, et t'as un bouchon avec un bouton pression, un bouton de caoutchouc là, que tu peux enfoncer, et tu peux mettre ton bouchon ou ton contenant en dessous et te donner la pression que tu veux. T'as l'impression de travailler dans une buanderie professionnelle. Donc, pour garder votre salle de lavage bien propre sans avoir à tout le temps sortir votre savon, bien sûr, il faut le sortir une fois pour remplir le gros contenant quand même. C'est super évident aussi, et ça peut contenir n'importe quel savon pour seulement 26,32 $ canadiens. J'aime l'idée, j'aimerais pouvoir choisir la couleur. J'en ai pas vu d'autres, à moins que sur Amazon, il y en ait d'autres. Ah, ben, sur Amazon.ca, c'est même pas disponible, faut aller sur Amazon.com. Anyway, continuons avec un masque, maintenant qu'on porte sur le visage, mais avec un ventilateur intégré pour empêcher les aspects polluants lorsque vous inspirez l'air rempli de smog en Asie. C'est au CIS 2017 qu'on a découvert ça. C'est le Wear WAIR. C'est un foulard. Moi, je dirais un cache-cou. Mais je pense que c'est un foulard, techniquement, parce qu'on peut l'attacher autour du cou, je crois. Bref, peu importe. Ça utilise un mélange de filtre et de ventilation. C'est aussi modulaire, donc on peut changer le filtre lorsqu'on veut laver, bien sûr, le foulard. Et donc, selon... c'est les gens de France, en fait, qui ont créé ça. Lorsqu'on se protège de la pollution, l'important, c'est la structure et le son. Donc, avoir un certain hermétisme. Mm-hmm. Hein? Donc, le masque est fait pour être beau, tout en étant flexible dans sa structure, pour pouvoir s'appuyer autour de votre bouche, tout en vraiment en faisant le contour de votre visage. Et ça aide à bloquer les allergènes, les bactéries et les autres particules associées avec la pollution. Un peu comme un masque chirurgical qui vient te serrer autour là, avec des morceaux de métal. C'est un peu le même principe. Voilà, donc on va arrêter ici pour ce blog de Sex, mais ça ne devrait pas, on l'a. Les livres sont sur assemblagerequis.com. Dépensez, tout le monde, dépensez. Ok, oui. Bon. Alors, on prend une pause. Au retour, j'ai envie d'avoir le message que ça va être notre pointe all dress qui s'en vient, mais de calibre grosse. Oh, de calibre grosse, j'ai peur. Tu sais, d'habitude, on dit une grosse pointe all dress, on va dire calibre ouais. Extra gros qualité, triple A, Canada certifié, 100% bœuf. D'accord. Assemblage requis, restez là. Aujourd'hui. C'est fou. 89. Cette édition d'Assemblage Requis vous est présentée en collaboration avec Prévention Alcotube Plus. Assemblage Requis pour toi aujourd'hui. Toujours à son Afrique, ce jeudi 19 janvier 2017, elle est Tania Bonin. Et Mathieu Plante. Oui, tout à l'heure, la surprise devrait s'en venir. Oui. On travaille là-dessus. Ouais, ouais, on y travaille fort. Ça en vient. Mais avant ça, on a le temps pour une pièce musicale par Autruche. Autruche? Des œufs d'autruche, ce serait bon, ça? C'est ben, bon? Okay. Bonne idée pour le menu, ça? Hein? En théorie. Voici Chouchou la molle. Ah, c'est ben cool, oui. Ça. Apparemment que c'est pas correct quand j'entends des voix qui nous disent quoi faire. Je me laisserai pas faire, je t'entends, je t'écoute pas. Dis-moi, ça coûte un bras car ça me prend dans le manche. J'ai plus que les chances, ils commencent à se branler. Chou-chou, c'est vous qui parlez. Chou-chou, je capote pour la crée. Apparemment que c'est pas correct de lever les bras trop dans le porche, puis que les gens, ils commencent à chou-chou. C'est vous qui parlez, chou-chou. Je capote, je m'arrête, chou-chou. On est d'entendre, chou-chou. Ça aide d'en jaser, chou-chou. C'est vous qui parlez, chou-chou. Je capote, je m'arrête, chou-chou. On est d'entendre, chou-chou. Ça aide d'en jaser, chou-chou. La molle, autruche, dans l'assemblage requis. On ne peut pas s'empêcher de rire. Ah, cette chanson. C'est comme on ne peut pas s'empêcher de manger non plus une fois de temps en temps. Hein? C'est vrai. C'est la vie. C'est la vie. C'est la vie. C'est une grosse pointe. Une grosse pointe en l'air. C'est une grosse pointe d'adresse, c'est la cueille dans laquelle on goûte un produit du tiroir, c'est-à-dire un produit gardé dans le tiroir de mon bureau habituellement. Sauf qu'aujourd'hui, c'est Tania qui apporte un produit pour nous. Puis il n'était pas gardé dans le tiroir de mon bureau, mais il était gardé chez moi. En fait, j'ai entendu dire que c'était un cadeau. Oui, exactement. C'est les filles de Zena Esthétique qui m'ont donné ça. Okay. Je tiens à les remercier, mais ils m'ont surtout dit que probablement qu'on n'allait pas aimer ça. OK, bon, parfait. Mais est-ce qu'ils te l'ont donné pour la chronique? Oui. Oh, génial. Je te décris qu'est-ce que c'est. Okay. C'est un gummy pop, donc un jujube en suçon épicé. Hein? Donc, c'est mangue et chili. Oh, intéressant. Sur un bout de... honnêtement, ça a l'air d'une mini-crotte sur le sang. Effectivement, j'avoue. C'est vraiment de la marque Gummy Pop, là, les fameux Gummy Pop qu'on connaît. Je te dirais qu'il n'y a pas grande information sur l'emballage, à part le fait que c'est fait avec beaucoup de sucre. Du sirop de maïs, ce genre de truc. Et comme je le disais, c'est à saveur de mangue et chili. Mais apparemment que c'est très fort et très, très, très mauvais. Et est-ce que tu vas être capable de séparer ça en deux? Ben écoute, je vais travailler fort là-dessus, mais je vais commencer par l'ouvrir pour que je puisse le séparer, je vais t'avouer. On n'est pas encore rendu à l'étape de se mettre le même suçon dans la bouche. Non, je suis désolée. Je t'aime bien, Mathieu, mais pas à ce point-là. Donc, oh! Ça sent fort. Ben, ça sent un peu, tu sais. Je sais pas si tu te souviens, dans le temps, il y avait les rouleaux fruits, mais il y avait aussi les palettes de gelée aux fruits, là. Ah oui. Comment ça s'appelait? Je sais pas. En tout cas, je trouve que ça sent ça présentement. Ah, oh, c'est brun. C'est une crotte, en effet. Ça sent vraiment une crotte. En forme de paire de fesses, en plus. En fait, on dirait une bine. Une bine, oui, une bine. Une bine. Ouais, une bine. Là, je vais ouvrir le sac pour que je puisse, mettons, le diviser en deux. C'est supposé être un gommi, donc ça devrait se couper correctement. C'est très, très, très, très, très gommant. Je vais faire ça, comme ça. Oh, OK, ça... Elle essaie de l'enlever de son manche. Je pense que je vais y aller d'une autre façon, Mathieu. Okay. Je vais tout simplement essayer d'utiliser le couvercle d'un verre. D'un verre pour essayer de couper. Wow, c'est une technique particulière. Divertis les gens, là. Ouais. Moi, je pense que ça aurait probablement été mieux de croquer dedans, puis de donner j'ai le pensé, reste. OK, je vais faire ça, mais c'est parce que je voulais qu'on goûte en même temps. Ah, je comprends. Ben, en fait, je pense que j'y allais avec les mains, tu sais, ça va mieux avec les mains. C'est juste que là, j'ai les mains toutes gommantes. Fait que l'intérieur est jaune, genre jaune citron. On se rappelle que c'est censé goûter la mangue. Et j'ai rarement vu de la mangue jaune citron comme ça. C'est un... je sais pas si ça sent épicé tant que ça tente. Ça sent... Oui, ça sent un petit peu épicé. Ça sent honnêtement un peu épicé, mais vraiment les palettes de fruits en gélatine qu'on avait dans le temps, là, qui ressemblaient un peu à des rouleaux fruits, mais santé. Ouais, un peu. Des fruit to go. Ah oui, fruit to go, ça existe encore, ça, c'est super populaire. Ben, ça sent ça, tu trouves pas? Oui, c'est vrai. Tu sais, en tout cas. Tout en sentant un petit peu le fond d'emballage depuis ouais, quelques temps. C'est ça. Et j'ai su que, en théorie, certaines personnes sont capables de garder dans leur bouche seulement quelques secondes tellement c'est dégueulasse. OK. C'est vraiment tentant, là, ça me donne ouais, tellement envie. Je sais pas si je vais croquer ou le sucer encore, vu que c'est épicé autour. Donc, mangue et chili, t'es prêt? On y va. On y va. Ah, bon. Oh, ça. Oh! Arc! Oh! Yark! Ah, oh, puis le épicé, il est épicé, là. Ah! Ah, puis ça pogne dans la gorge. Ah, oh, mon Dieu! C'est, donc, c'est dégueulasse. C'est dommage. Ça goûte comme, tu sais, des fois, quand tu quand t'as mangé les Doritos, tu fais un petit rot, là, des fois. Ça goûte comme ça, mais c'est pas dans le bon sens. Arc! C'est dégueulasse. OK, c'est vraiment la chose la plus dégueulasse qu'on ait eu le plaisir de goûter. Mais tu veux me tuer, tu veux mais me remplacer. Mais la raison pour laquelle ils m'ont donné ça pour qu'on puisse les goûter, c'est qu'en fait, c'est leurs enfants qui en ont reçu à l'Halloween. Donc, on ose donner ce genre de choses à des enfants. C'est dégueulasse. Hey, ça goûte le yaourt. J'ai pas eu le choix de me lever et aller prendre oui, non. quelque chose d'autre. C'est dégueulasse. C'est vraiment déplaisant. J'ai recraché le mien. J'ai même pas croqué. J'ai pas réussi à croquer pour le diviser. Ouais. Tu sais, en temps normal, j'aurais pris une petite bouchée, ouais. Je l'aurais avalé, tout ça. Non. Moi, non. C'est encore sur mon bâton. J'ai pu genre mâcher sur le bâton et le laisser sur le bâton. J'ai pour croqué l'acheter. Un petit peu, mais rien pour que ça reste dans ma bouche. C'est vraiment déplaisant comme goût. Quelle idée! Qui a eu cette idée-là? C'est incroyable. Je sais pas, mais honnêtement, achetez pas ça, c'est dégueulasse. On rappelle le nom? Gummy Pop, mangue et chili. J'en avais vu, honnêtement, dans le temps de l'Halloween, ouais. Dans plusieurs commerces, entre autres Walmart, TGA, Metro, ce genre de choses-là. S'il y a des gens que vous aimez pas, mais que vous voulez leur donner des bonbons pour avoir l'air gentil. Là. Ouais, si, ouais, c'est ça. Oh, mais je ça. Savais pas que c'était mauvais, ça va la bon, c'est marqué mangue et chili, miam. J'ai acheté un cadeau. Ouais. Tu sais, la personne que vous détestez le plus au monde, vous lui faites goûter ça. Le goût reste même malgré la bouchée. Puis honnêtement, je goûte aucunement la mangue, non. Juste le chili désagréable. C'est dégueulasse. Tania, vraiment, là, c'est pas gentil ce que t'as fait. Je suis désolée. T'es les amis de chez... C'est quoi le commanditaire de ça? Zena Esthétique. Ouais, ouais, elle est pas là. C'est une blague. En fait, c'est ma cousine et sa collègue de travail qui ont reçu ça dans les cadeaux, dans ouais. Les bonbons d'Halloween de leurs enfants. C'est horrible de faire ça à des enfants. Ben, c'est que les gens, ils ont pas essayé. Ben, clairement, puis ils pensaient que c'était bon. Hey, c'est dégueulasse. L'intention est bonne, mais l'exécution, ça laisse à désirer pas mal. Oh, ça reste pogné dans le fond de la gorge. Avant de passer à la surprise qu'on mentionne depuis super longtemps. Oui. Ça va être tantôt, ça s'en vient, c'est déjà confirmé. Mais on a un petit peu de temps pour des articles. Commençons avec votre paquet de café, votre pot de café qui pourrait coûter plus cher bientôt. Non. Ouais, si vous êtes le genre de personne qui aime pas trop interagir avec les autres, là, moins, tu sais, vous voulez pas quitter la maison, vous voulez prendre votre café chez vous, votre première tasse de café le matin, c'est peut-être du café en pot, en poudre. Mm-hmm. Tu sais, ça arrive. Donc, en mai dernier, J.M. Smucker, les clients de cette compagnie-là avaient hâte de trouver des prix moins chers pour leurs Folgers, Dunkin' Donuts et Café Bustelo. Maintenant, la compagnie dit qu'ils vont aller dans le sens contraire, finalement. Donc, si vous buvez souvent du Folgers, qui, moi, est ma marque, le prix a augmenté aux États-Unis d'environ 6% à cause de l'augmentation du prix des grains de café. Donc, on dit qu'il y a une bonne nouvelle pour les gens qui aiment les K-Cup. Par contre, vu que ces produits-là ne sont pas inclus dans l'augmentation du prix, même chose pour les cafés Dunkin' Donuts, par exemple, que vous pouvez acheter en magasin, en succursale. Donc, on parle vraiment des pots de café moulus Folgers, Dunkin' Donuts et Café Bustelo qui vont augmenter de 6%. Ensuite, c'est un restaurant Chuck E. Cheese. C'est un peu, je dirais que c'est comme un McDonald's, mais qui aurait gardé le concept des parcs pour enfants. Là, c'est vraiment oui, comme okay. Les gens organisent des fêtes là, pour les enfants chez Chuck E. Cheese. Donc, ils vont faire des dimanches sensory free pour les enfants autistes. Ah, oh, c'est cool. Visiter un restaurant où il y a beaucoup de gens qui jouent, ça peut être assez traumatisant pour un enfant qui est atteint d'autisme. Donc, il y a les animaux qui chantent dans le restaurant, il y a des lumières qui clignotent, des enfants qui courent partout, de la pizza chaude, il y a beaucoup de batailles, des fois des chicanes des adultes, ça peut arriver. Donc, pour un enfant autistes, ça pourrait être un petit peu moins qu'excitant, ça pourrait être même un petit peu trop pour eux. Donc c'est pour ça qu'une fois par mois, on va faire des événements sensory free, donc sans brusquer vos sens. Depuis le 8 janvier, donc 54 restaurants Chuck E. Cheese partout en Nouvelle-Angleterre, à New York et dans le New Jersey vont être ouverts de 9h à 11h du matin le premier dimanche de chaque mois, spécifiquement pour les enfants autistes et avec d'autres besoins spéciaux, selon un communiqué de presse. Il va y avoir quand même tout plein de nourriture, tout plein de jeux, mais le restaurant va baisser un petit peu la luminosité, va réduire le bruit et l'équipe va avoir été entraînée pour être un petit peu moins gossant aux tables. Puis tout est correct. Donc c'est pas la première fois qu'on entend parler de ça, calmer les magasins pour des enfants ou des gens avec des besoins spéciaux. Il y a un magasin Target en Pennsylvanie qui a commencé à offrir des heures silencieuses pour les clients autistes. On se rappelle que lorsque Target était ouvert au Québec, il n'y avait pas de musique du tout, ce qui était déjà une vraiment meilleure expérience d'achat pour moi. Voilà, vous pouvez aller voir la liste si vous intéresse et que vous passez aux États-Unis à un moment donné. Donc, pour les Sensory Free Sundays chez Chuck E. Cheese's sur assemblagerequis.com. Ensuite, ça, c'est vraiment, tu sais, quand on se dit, tu sais, des fois, les gens vont dire « Ah, mais là, je me suis pas rendu compte que c'était raciste, ça. » Ouais. T'sais, ça arrive, mais en même temps, elle, c'est pas mal indéfensible. C'est ça qu'on dit? Impossible à défendre. Ouais. Donc, c'est une journée spéciale pour Martin Luther King. Vous connaissez l'icône des droits civiques et tout ça aux États-Unis. Donc, c'est un restaurant qui a décidé d'offrir du poulet frit avec du melon d'eau. Je sais pas si tu connais la signification du melon d'eau en termes d'esclavage aux États-Unis. Non. Ouais. Donc, c'est Sabrina Pearl, la propriétaire du Hazel Café à Hazel au Texas, qui voulait avoir du plaisir lors de la journée de Martin Luther King, donc l'activiste et gagnant de prix Nobel pour la paix qui a été assassiné sur le balcon de son hôtel en 1968. Bref, comme idée, elle a eu d'offrir un dîner spécial avec du poulet, des gaufres, ça c'est un classique américain, ouais. Tout le monde aime ça, mais avec un à côté de melon d'eau. Les Afro-Américains et les melons d'eau, ça date d'avant l'émancipation aux États-Unis, donc avant la déségrégation et tout ça, où les propriétaires d'esclaves, qui étaient donc eux très fâchés de perdre les esclaves, qui étaient maintenant rendus libres, donc ils avaient droit de manger et de vendre des melons d'eau, ces esclaves-là, les anciens esclaves. Plusieurs propriétaires d'esclaves qui avaient servi des fruits à leurs esclaves et s'attendaient à ce qu'ils soient super reconnaissants et ce qu'ils mangent leur melon d'eau sous la supervision de leur propriétaire, etc., etc. Et même qu'ils courent pour venir en chercher. Une fois que ces esclaves-là ont été libérés, ces hommes blancs ont continué d'utiliser le melon d'eau comme façon de d'agacer, si on veut, leurs anciennes propriétés. Donc, ça a changé la définition complètement du melon d'eau. Donc, depuis ce temps-là, on considère ça, de parler de noir et de melon d'eau, comme une forme de raciste assez intense. Donc, d'avoir servi ça dans un restaurant pour commémorer Martin Luther King a été très mal vu sur les réseaux sociaux. Mais comment est-ce qu'elle pouvait savoir ça? Parce que ça fait partie de l'histoire américaine. C'est ça, Tania. Les cours d'histoire aux États-Unis, ils apprennent l'histoire américaine. Okay. Alors qu'au Québec, on apprend l'histoire canadienne et québécoise. J'avoue. Donc, ouais, non, en effet, c'est quelque chose qu'on connaît pas nécessairement au Québec, mais aux États-Unis, c'est très connu. Donc, le Hazel Café, c'était pas pour mal faire, mais en même temps, la fille, elle s'est pas mal mal pris pour bien faire sa malaise. Malaise, surtout donc, qu'elle a fait la promotion avec plein de photos. C'est pas fort. Donc voilà pour notre premier bloc de nouvelles. Et c'est maintenant le moment d'accueillir notre invité spécial dont on parle depuis le début de l'émission. On parle, si j'ai bien entendu son nom tantôt de la part d'Alex Marchand, on parle à Marie-Belle. C'est bien ça, Marie-Belle? Oui, Marie-Laine. Marie-Laine, tu vois, oui. On était proches quand même. Hein? On était tous les deux pas ben sûrs. Oui, hein? Ben oui. Donc, qui est très pressée en ce moment parce qu'elle est la chef, la personne qui s'occupe des sandwichs, l'artiste du sandwich. Est-ce que tu as un nom de poste officiel, Marie-Laine? Je sais pas, je crois que c'est plus cuisinière. Cuisinière. Donc, sur mon poste. Donc t'es un poêle finalement, une cuisinière. Ouais, on peut faire cuire des choses à l'intérieur de toi. T'es cuisinière. En tout cas, la définition. Ça reste à vérifier. Je t'appellerai donc dorénavant la cuisinière, chef et artiste. Mais on a aussi entendu Marie Lagaffe. C'est toi-même qui nous l'a dit. C'est moi. Marie Lagaffe, c'est un très bon surnom. On aime ça. Donc, on peut te voir à la chasse-galerie, à l'arrière-scène, dans le petit local en arrière, en train de faire les petits plats, les sandwichs, les soupes que la chasse-galerie offre depuis la semaine passée. Oui, c'est bien ça. Depuis le 9 janvier, pas mal. Environ. 9-10, ça se peut, dans ces coins-là. Le menu, présentement, contient quoi? 5 sandwichs différents. 5 sandwichs pour l'instant, oui. En plus d'une soupe qui change chaque jour. Oui. Qui est excellente la plupart absolument du temps, excellent. En passant. On a la goûté. Ben, j'aime pas les champignons, fait que j'ai pas aimé celle aux champignons. Mais en même temps, c'est drôle que t'en parles parce qu'hier, c'était la soupe aux champignons qui avait été comme réutilisée pour rajouter des poireaux dedans pour faire une soupe champignons-poireaux. Et Tania a dit que c'était sa meilleure depuis le début. Ouais, vraiment. Voilà. Et on les a toutes goûtées. Bœuf et nouilles. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? C'est bœuf et riz en passant. Bœuf et riz. C'est pas des féculents, c'est ça? C'est pas des nouilles. Il y a eu celle qui est asiatique aussi, là. Tom Yum. Carrie. Tom Yum. Il y avait la première qui était Carrie et... Lait de coco. C'était épicé. Je sais que Mathieu l'a vraiment beaucoup aimé. C'était très bonne. Les soupes sont pas souvent écrites sur le menu. C'est pas marqué au complet. Des fois, ça l'est. Des fois, ça l'est pas. Ça dépend de la personne qui est derrière le comptoir. Donc, il faut des fois demander et se renseigner à toi directement. On est jamais déçus aussi. Rien de mieux que moi. C'est rien de mieux que ça. Marie Lagaffe. Non, mais. Et sympathique, elle vient nous voir à la table pour demander nos suggestions. Parce qu'on est là trop souvent, c'est Mathieu. Ça. Je pense que littéralement, depuis le début, j'ai mangé un sandwich à tous les jours depuis que c'est comme ça. C'est vrai. C'est vrai. Je pense qu'on les a tous essayés, sauf le VG. Le VG, oui. Eh bien, il est là. Il est là. Oui, parce qu'elle nous les a tous amenés ce matin. Sérieux, tu as amené tout ce que tu avais sur le menu? Oui. Certainement. T'es ben trop forte. Voyons, on n'aurait même pas besoin de dîner. À midi, je vous vois pas, là. Non. Donc, c'est ça, t'es là depuis début janvier. Comment est-ce que ça s'est passé, le processus, pour t'amener à la chasse-galerie? En fait, ça s'est passé, moi, j'étais le petit cul en Australie, en fait. Ça a commencé là-bas, j'ai cherché un emploi pour ici, puis parce que mes anciens employeurs m'ont dit qu'il n'y avait plus rien pour moi, du moins pas assez d'heures pour moi. Donc j'ai demandé sur Facebook qu'est-ce qui se passait, s'il y avait des emplois, puis on m'a dit « Chasse-galerie, chef Marie, je te vois là », puis je travaillais avec la plupart des employés au BOC. OK, donc, ouais, c'est vrai, ça... Ouais. Ils sont tous au BOC. Ils sont tous au BOC, c'est ça? Que... Non, c'est vrai, on les croit, on est allé au BOC une fois, puis c'était les mêmes filles qui achetaient. Oui, voilà. Donc c'est eux autres qui m'ont... communiquer ça, puis j'ai eu l'entrevue, puis ça s'est fait comme ça. Donc, c'est pas eux tes anciens employeurs qui t'ont laissé tomber? Hein? Non, non. Non, c'est ça, on les dira pas, mais c'est pas non, eux. Non, le BOC sont fins, c'est meilleur. Le BOC, oui, sont c'est cool, très bon. Ça. C'est pas fini, le BOC. Non, le BOC, ça va bien. Encore. Okay. Belle place, là. Le BOC, faut y aller. C'est juste le nombre d'heures a diminué. Ben, en fait, je recommence à fin avril, début mai. OK. Je vais faire les deux en même temps. Cool. Génial. Donc, on t'a amené ici à la chasse-galerie et on t'est là tous les jours entre 11h et 14h pour faire le menu. Ben, en fait, ici depuis pas mal 7h. C'est ça, pas mal 7h? 7h le matin, on sait jamais. Quand ça finit, mais voilà. ton bloc où on peut commander des sandwichs est entre 11h et 14h. Oui, c'est ça. 11h30. Ça dépend des fois si j'ai le temps d'être prête. Oui, parce que t'es toute seule là, à l'arrière. Des fois, t'as un helper, mais pas tout le temps, non. Je me débrouille plus. Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que tu es stressée quand tu es tout seul? Non, ça va bien. En fait, j'ai réussi à trouver beaucoup de techniques pour faire en sorte que ça se passe bien. Oui, les premiers jours, c'était un petit 5-10 minutes d'attente, ça se passait très bien, mais maintenant, c'est instantané quasiment. Ben, j'espère. Je fais de mon mieux pour. C'est très rapide. Donc, présentement, le menu du mois de janvier, parce que là, il faut dire que le menu va changer chaque mois. Le menu de janvier ressemble à quoi, côté sandwich? Côté sandwich, je te dirais que j'ai essayé de varier un peu pour tout le monde. J'ai un bagel au poulet bruschetta. C'est excellent. Oui. Et avocado. Oui, c'est vrai. Avocado. Il est plus écrit sur la petite feuille, là, l'avocat. Je ne regarde point la feuille. Mais okay. Là, il est revenu. Puis c'est les meilleurs avocats que tu as jamais goûté. Vraiment? Oui. Vraiment, il y a un petit goût sucré là-dedans. Je dis pas ma recette. Là. Est-ce qu'on t'avait dit qu'on allait être aussi du genre à te complimenter sans cesse? Non, je m'attendais pas à ça. Parce que ça va être ça. Il y a aussi le croque-monsieur, en fait, qui est un pain de lin avec prosciutto, fromage à la bière. Oh, fromage à la bière! Habituellement. J'avais pas reçu ça sur cette commande, mais ça s'en vient, ça revient pour la dernière semaine. Avec un œuf poché par-dessus, avec le jaune coulant qui rajoute un petit coulis de sauce. Mm-hmm. Un petit côté salé un peu, là, du jaune d'œuf, on aime ça. Oui. Je pense, est-ce que c'est le préféré de Tania? Le croque-monsieur? Ouais. En fait, j'aime beaucoup celui au poulet. Ouais. Oui, et je le regarde, mais le tartare. Oui. Bref, tu peux continuer. On a l'eau à la bouche, qu'est-ce que tu veux? Avec le tartare que vous venez justement de parler, donc qui est une sauce avec beaucoup d'amour, exemple. Okay. Qui est quand même assez relevé aussi, faut le dire. Moi, j'aime mes tartares vraiment relevés, là, et ça, c'est... sur la coche. La formule parfaite. J'avais jamais goûté à ça avant et c'était mon premier. Ouais. Donc, c'était le premier tartare? Oui. Je pense que ça va être imbattable. Je l'ai converti. Je ne sais pas. Ah oui, ouais. C'est fait. T'as réussi. Tu sais pas. T'es tellement humble en plus. Hein. Il y a sûrement d'autres meilleurs tartares que ça. Mais il est correct. Il est quand même à 5,25. Ouais, c'est très bon pour 5,25. Elle se force pas, tu sais, 5,25. J'ai mis de l'amour. Mais et il est tout le temps coupé en cubes. Tu fais vraiment attention pour 5,25. C'est ça. À un moment donné, quand l'année va avancer, ça va être genre une grosse boulette comme une grosse boulette. Puis après, putain, une belle boulette. Tiens, toi. Fait que, ouais. Puis il est servi avec des croutons de croissant, en fait, qui a des épices fumées au paprika, puis sel, poivre, blablabla, blablabla. On peut l'avoir en sandwich aussi. Oui, il y a moyen de l'avoir en sandwich. C'est pas plus long. Non, c'est ça. Non, c'est ça qui est merveilleux. Il y a le préféré aussi à Mathieu que je vois sur le coin de la tablette. Ah, mon préféré. Que oui, c'est le porc effiloché. Oh, oui. Il est-tu beau, là? Le porc effiloché, juste pour vrai, l'assiette, la présentation de l'assiette, OK? Ils ont acheté des belles petites assiettes carrées, OK? C'est vrai. Et la petite salade dans le coin, avec le sandwich, là, c'est de toute beauté. Parce que la salade aussi change à chaque jour. Oui. Oui, ça, c'est merveilleux. Tu sais, on n'a pas comme à... ailleurs, là, c'est ouais, ça? Ouais, ailleurs, là, mettons, là, tu sais, genre, Sodexo. la même salade qui revient tout le temps. Est-ce que tu as déjà entendu l'expression que j'ai partie et qui va devenir une mode et créer un buzz, hashtag Sosodexo? Non, j'ai jamais entendu. Avoue que c'est cute. Mais hashtag Soso Dexo. Oui, hein? C'est bien. Après, s'inspirer de ton menu au moins, tu sais, mettre des épices une fois de temps en temps. Non, mais ils veulent que tu prennes des petits sachets de sel et de poivre. Ah, c'est ça. Ils veulent ça te faire 50 cents de sachets. Ils te font payer en mayonnaise. Ils te payent en plus. Ben, qu'un. Oh. C'est ridicule. Bref. Génial. Ça pour dire qu'on a les 5 sandwichs et là, tu t'attends à ce qu'on fasse comment pour la dégustation de ça? Ben Mathieu, tu vas t'en venir ici. J'ai emmené fourchette, couteau, napkin, donc on va utiliser le même micro qu'il y a à côté de moi? Ok, non, j'ai un micro-pied de l'autre côté. Ok. Je vais m'ouvrir le micro-pied sans avoir aucun console sur le... On n'a plus de contrôle sur la console pendant quelques temps. Ça sonnera comme ça sonnera, j'arrive! Ça. Excellent. Donc Mathieu est en train d'essayer de faire le tour du bureau. Ah, on entend très bien la chaise. Ouais, c'est ça. Merci Mathieu, merci. Fait plaisir. J'ai tassé une couple de trucs. Est-ce que je sonne ultra fort? Hey boy, quand même un peu, ouais. Ok, je vais parler plus loin du micro. Mais ouais, décolle-toi du micro, ça devrait être possible. C'est bon, ça va juste faire plus d'écho. Ouais, c'est ça. Donc on a la palette, là. J'espère que je vais rien échapper. T'es sur la souris à date. Ok, c'est bon. Ouais, c'est bon. Va bien. Wow. On a tout déplacé. Fait que là, évidemment, on nous a amené des fourchettes, couteaux, napkin. On tient à rappeler qu'il est 9h18. C'est ça. Bon matin. On s'apprête à manger des sandwichs comme ça n'a pas de bon sens. Je te regarde faire. OK, parce que c'est moi qui commence tout ça, là. Ouais, c'est ça. OK, ben comme j'ai pas encore goûté au VG, j'aime faire un malin plaisir d'aller goûter au VG. Je pense que ça va ressembler à ça aussi. Marie, c'est quoi qu'il y a dans le VG? En fait, le tofu a été mariné avec jus d'orange, sauce soya... Puis en tout cas, beaucoup d'amour. Jus d'orange. Oui, jus d'orange, ça donne un côté asiatique à la chose. On aime ça. Donc, avocado que vous préférez, avec champignons portobello, tomates confites et épinards. Là, je sais qu'il y a des champignons dedans. Qu'en théorie, je refuserais de goûter. Ah ben là, ils sont parce pas bons que d'abord. Les champignons et moi, ça s'entend pas, ça s'entend juste pas. Mais tu sais quoi, juste pour la cause, là, j'y vais, puis le pas, c'est que je suis sûr que ça va être... Ça va être sûrement bon. Pour vrai, le tofu mariné, j'ai jamais goûté à ça, et ça me faisait peur un peu, donc de l'avoir ici devant nous va peut-être me donner envie d'en acheter. Hein. En train d'échapper le bout d'avocat depuis tantôt. Bon, OK, je vais pour le VG. Toi, tu goûtes le VG aussi. VG aussi, on y va, là. OK, go, vas-y. Mm-hmm. Oh my God. Mm-hmm. Ça a une très bonne texture. Le tofu est excellent. Mm-hmm. Ça goûte un peu, je dirais, pas de l'huile un peu. Il y a un petit... La marinade. C'est la marinade qui fait ça? C'est encore les avocats, là. Mm-hmm. Ils sont ça. Ça mâche un petit peu plus que du pain sur un sandwich. Oui, évidemment, donc, il faut manger différent. Avec fourchette, couteau. Ouais, parce ouais, c'est qu'avec ça. Les doigts, c'est un peu... Bon ça peu, serait mais... vraiment cochon, mettons. Ouais, vraiment, ça... on va se le dire, là, ça serait juste cochon. Excellent. C'est très, très bon. Ouais. Mathieu, tu veux aller vers lequel par la suite? Parce que là, le restant, on les a déjà goûtés. C'est ça, là, le reste, c'est tout est tentant, là, vraiment. On tient à dire aussi que les portions sont vraiment généreuses. Oui, on a plus faim avant 5-6 heures, pas mal. Pour 5 et 25, là, c'est genre the best. The best. Absolument. Vraiment. Faut commencer à se retourner de prendre et la soupe et la boisson tous les jours, mais quand même, une fois de temps en temps, c'est pas de refus. Quand la soupe est mettons. Est-ce qu'on y va pour le tartare? Tartare, on y va pour le tartare. Je vais prendre un morceau de crouton de croissant. Donc, c'est des croissants qui ont juste été coupés, c'est ça? Oui, c'est ça. Avec épices. La petite poudre sur le dessus, là, c'est ça, c'est des J'avais épices. Pas envie de prendre des pains, baguettes, puis. Non, on y va avec un croissant. Je sens déjà qu'il y a des gens dans le bureau qui. Ils sont jaloux. Pitcher dessus tantôt. Ça me surprenait pas de me revirer et voir David Ferron. Ben, il était dans la fenêtre. Il semble aussi. Le gourmand juste, de la place. Il a juste continué à marcher. Bon, on y va. Ah oui, mais. Lui, on sait ce que ça goûte, là. Je mangerais ça à tous les jours. Mm-hmm. Mais, c'est que quand tu manges la même chose à tous les jours, c'est plus spécial. Non. En effet, faut varier. C'est pour ça qu'on varie le menu. Mm-hmm. Puis comme ça, ben, on veut ça pas reste perdre une le tartare. Histoire dans votre bouche. On veut pas perdre le tartare. On va perdre quelque chose là-dedans, peut-être qu'on va tous les perdre, non? Mmh. Et je risque d'en garder un seul. Donc, à l'école, de débattre sur lequel que vous désirez. Paris-Flochet. Ah! Mais est-ce que tu es ouverte à ramener des choses qui ont été populaires oui, par le passé dans les prochains mois? On pourrait se revenir au mois d'avril avec... Avec le tartare avec ou le Paris-Flochet. C'est ça que tu veux, hein? On veut juste continuer sur le... Ouais, là, on est parti à manger juste le tartare. C'est sûr, oui, je constate. C'est sûr qu'il faut qu'on finisse le petit crouton, tu sais. J'ai pas le choix. Mmh. Mais avec le paprika, honnêtement, là... Tu sais, le crouton même est relevé un peu, fait que c'est excellent. Puis il y a le crunch. Oui, croquant. Le crunch qu'on veut. Il n'est pas tout le temps croquant? Non, je sais, au début, ça a été un ajustement, mais maintenant, c'est exactement ce que j'avais besoin. Puis... Mm-hmm. Ceux-là, tu les reçois fait comme ça ou tu les... Non, en fait, je reçois mes croissants du panetier, puis je les coupe, puis ensuite, je les fais griller. Ouais. Wow, OK, tout très ça bien. Entre 7h et 11h. Travaille fort. Mathieu? Oui? Est-ce qu'on y va avec le croque-monsieur? D'accord, on y va avec le croque-monsieur. Je vais y aller avec fourchette couteau encore une fois parce qu'il y a un œuf dessus. Elle nous en a fait comme beaucoup trop. Elle nous a fait tout ce qui est sur le menu. Est-ce que tu vas en ramener? Si vous voulez, faites-en déguster à d'autres. Ah, c'est bien. C'est sûr qu'on va faire ça. Faut que tu prennes un bout d'œuf, hein? Tu prends un bout d'œuf? Oui, j'ai pris un bout d'œuf. Je pense que ça va plus ressembler à « on va te ramener la palette quand il n'y aura plus rien. » Non, c'est parfait. Ah, j'ai chopé un morceau d'œuf. Ah. Non, Mathieu. C'est pas grave, on va s'en sortir. J'attends après toi, là. Oui, j'arrive. Un petit chin-chin. C'est du prosciutto hein, qu'il y a dedans. Oui, c'est ça. Bon. Celui-là, c'est ridicule comment c'est bon. Mm-hmm. Le goût est tellement différent de ce qu'on mange comme sandwich habituellement que ça change ta façon de manger le midi. C'est vrai. Parce que la cafétéria, on s'entend, c'est plate. L'œuf, en fait, comme tu disais tantôt, l'œuf est coulant dessus, mais ça ajoute vraiment comme une espèce de sauce. Oui, c'est ça. Parce que sinon, en tant que tel, le fromage, c'est salé. Mm-hmm. Le prosciutto, c'est très salé. Donc, j'ai essayé d'aller casser un peu le sel avec le jaune coulant qui est plus... Ouais. C'est un genre de pain brun un peu, donc ça change aussi versus les autres sandwichs. Oui, c'est un pain de lin, en fait. Pain de lin. C'est consistant, en plus, comme croque-monsieur. Tu sais, des fois, habituellement, un croque-monsieur, jambon, fromage, OK, c'est correct. Mais là, avec le pain, l'œuf, le prosciutto, t'en as vraiment pour toute la journée à te dire « j'ai pas faim ». Et t'as les croûtes. Tu sais, les croûtes, ça rentre. Il y a les croûtes. J'enlève pas les croûtes. Une chance. Est-ce qu'il y a des gens qui te demandent d'enlever les croûtes? Ils s'arrangeront avec. Ouais, c'est ça. Est-ce que t'as des demandes spéciales des fois? Tu sais, comme « ah, mets-moi pas ça ». Non, pour l'instant, non? Tout a bien été, là. Ah, c'est bon, ça. On aime ça. Ça veut dire que la réponse est bonne. Et t'en as aussi pour les... j'imagine que c'était, j'ai entendu dire, végétalien, celui au tofu. Oui, il y a absolument rien qui contient aucun produit animal, rien. Il y a sûrement un peu de gluten dans pas mal tout. Sinon... Ben, à part celui végé. Végé... Gluten, à moins que le tofu, il y ait du gluten dedans. Je sais pas. Oui, il y en a. Okay. Dans la marinade, il y en a, oui. C'est confirmé. OK, ouais, bon. C'est ça. D'accord. Est-ce qu'on y va? Moi, je veux vraiment finir par le pari filoché. Ouais, c'est ça. Fait que je me suis dit que... Allons-y avec le bagel. Bagel, poulet, avocat. Plus difficile, celui-là, vu que c'est un bagel, difficile à couper un peu. Ouais, je vais te laisser le couper, mettons. Merci. Je vais... Mais il s'en est bien sorti. Merci ouais, beaucoup. Quand même, hein? Et avec la planche, ça va très bien à découper aussi, donc il n'y a aucun risque de dégâts avec ça. Tant mieux. Puis je vais essayer de faire la même chose, mais de mon côté. J'ai sûrement pas pris tous les ingrédients. Je vais me prendre un petit peu de... C'est des tomates qu'il y a à l'intérieur? Oui, c'est des tomates, en fait, de bruschetta. Oh, miam. Puis il te manque de l'avocat, Mathieu, évidemment. Ah, ben oui, c'est sûr. Attends un peu. Avec il le couteau. Il se retrouve dans le petit bol à côté de moi, puis là, je viens de détruire... L'avocat, vraiment, est la partie la plus intéressante de ça. C'est ce qui rajoute un petit peu de texture, parce que sinon, un bagel, c'est un petit peu plus sec que les autres pains. Donc, ça vient un petit peu le... Pas le rendre plus. Ça vient faire un petit peu comme l'œuf sur celui au croque-monsieur. Ça rajoute une espèce de petite sauce à l'intérieur. Y a-t-il un petit quelque chose de plus à chaque sandwich, on dirait, qui font comme OK, c'est ça, là. C'est ça qu'il fallait, là. Ça, c'est un sandwich. C'est ça, c'est un sandwich. Elle connaît la twist. Et voilà. OK. On y va. J'ai pas de top sur mon bagel, mais c'est pas grave. Ah, il y a du pain en masse dans ce bagel, de toute façon. Go. Tu sais, j'aime pas les avocats en tant que tel, mais ça, là. Mais je suis pas quelqu'un qui tripe avocat, mais ma recette, je te dirais honnêtement, que... Honnêtement, moi, ce que j'aime pas des avocats, c'est quand ils sont en gros morceaux. Mm-hmm. J'aime pas la texture des avocats. Les grumeaux. Hein. Mais mis comme ça, à l'intérieur d'un sandwich, c'est frais. Mm. C'est vraiment juste comme... Comme les jeunes disent, c'est frais. C'est frais. Est-ce que c'est... Tu le broies... Jusqu'à temps qu'il n'y ait plus aucun mouton dedans, mais ça doit être un malaxeur, quelque chose. C'est non, vrai. C'est mes mains. Il va avec les gants, là, puis je matraque l'avocado. Petit coup de poing dedans, là. Bam. Voilà. Moi, ce sandwich-là, je l'aime beaucoup parce que je trouve que c'est celui qui est léger, justement, qui est frais. Il est frais, c'est ça. Puis avec, souvent, avec la petite salade, là, t'as pas l'impression que tu vas peser 12 tonnes en retournant travailler ou en retournant étudier. C'est vraiment bon. Ouais, moi, absolument. C'est un de mes préférés. C'est le fun, vu qu'il y en a 5 jours de la semaine. Et voilà, fait oui, vous avez changé pendant deux semaines, le temps de... C'est ça. Ben, on a peut-être pris le tartare plus que les autres, mettons. Peut-être 2-3 fois. Ben, en fait, moi, j'ai essayé une fois le tartare en tartare et l'autre en sandwich. Exact. C'est ce qui est excellent dans les deux cas. On avait sauté le VG aussi, fait que c'est pour ça qu'on avait journée bonus comme le vendredi. On n'avait pas encore essayé le VG, mais aujourd'hui, le VG me fait dire qu'on aurait dû l'essayer avant. Hein? Le temps passe énormément, on va bientôt devoir finir, donc on y va avec le porc effiloché. Je te laisse prendre la moitié que tu veux, Mathieu. Je vois la salade de choux là, qui est vraiment très tentante. Attends, je vais essayer de prendre un morceau de celle-là. OK. Avec de la salade de choux. Avec de la salade de choux. Je vais te le tenir. Merci, t'es super fine. Le micro est un petit peu dans les jambes. Juste un peu. On dit à rappeler qu'on est en studio, fait que... Oui, c'est vrai, on n'est pas... ce serait le fun. Table. Mais moi, j'aurais préféré, un jour, j'aimerais ça faire une émission en direct de la chasse-galerie. Ça aurait été une bonne opportunité. Dans la cuisine. Dans le backstore, il y a de la place en masse. On est en masse à tout ce qui se passe devant. c'est ça. On pourrait commenter tel un match du Canadien. Je pense que j'ai même pas pris de viande. Je vais enlever un petit peu de pain puis prendre de la viande. Là, j'ai vraiment pris beaucoup trop de salade de choux, mais... OK. Salade de choux, choux mauve en passant? Oui. Oui, c'est du choux rouge. Ouais, choux rouge. On essaiera. Il y a l'air mauve en motadine. Oui. Là, il y a Max, il y a Sam de Génie en Liberté qui est dans la porte. Qui veut faire une émission à 9h30, tu sais. Si tu veux goûter, Sam, tu peux venir. OK, on y va. On goûte, on goûte. Je suis même pas capable de parler après ça. Mais tu viens de le faire. Excuse-moi. C'est chaud. C'est chaud. Encore chaud et flushé. Il est encore chaud. Ouais. Génial. Il est magnifique, il est tout tendre. Il est moelleux. La tendresse de ce sandwich. C'est de l'amour. C'est de l'amour frais. On est beaucoup frais et chaud. Vendu. Non, ça n'a pas de sens pour vrai. Est-ce que je détecte un petit peu de... C'est pas du fromage qu'il y a dedans. Il y a comme un petit goût de... J'ai comme l'impression que c'est du fromage. Il y a du fromage. Ouais. C'est un goût d'œuf fumé, en fait, qui vient fondre avec le pain lorsqu'on le prend chauffer. Puis hein? On dirait quasiment que je connais ça. T'sais. C'est merveilleux, honnêtement. Dans la bouche, dans la gorge, dans l'œsophage, partout dans ton corps, tu te sens bien. C'est vrai qu'on le sent passer à travers nos veines. L'épice dans ce porc effiloché-là reste dans la bouche pendant quand même quelques temps après. Exact. Puis tu fais comme, OK, je vais garder ce goût-là comme toujours. Oui. Je veux pas que ça en aille. Stay with me, please. Sachez que pour ceux qui sont pas à l'université, là, parce qu'on est diffusé ailleurs, c'est possible quand même de venir manger à la chasse-galerie sur l'heure du midi. Donc, on vous le répète, de 11h à 14h, vous pouvez avoir tout ce qu'on vient de goûter pour une semaine encore, parce qu'après ça, on change de menu. Ouais. Oh oui. Ça s'en vient. Est-ce que tu as des petits avant-goûts? Hein? J'en ai peut-être un ou deux. OK. Donc, il m'en reste encore trois. OK, donc mettons, on peut te dire, mettons, qu'est-ce qu'on avait dit? Une salade repas. Genre de salade repas, hein? Oui, ça, je me l'ai fait dire. Style asiatique. Ouais. Peut-être une soupe repas, c'est pas bien. Ou style mexicaine, un peu, là. C'est que soupe repas, j'ai pas vraiment de place. Ouais, j'ai pas vraiment d'outils, donc... Un genre de club sandwich. Ouais. Bacon. Ça, c'était dans ma tête. Es-tu sérieuse? Ouais. Ah, on est vraiment bon, hein? Mais réinventer pas ouais, ben oui, ben c'est sûr, le club sandwich qu'on voit genre, à la cafétéria, là, c'est ça. Café Soso Dexo, hashtag Soso Dexo. À la dinde, on avait dit à la dinde. Dinde, ouais. Quelque chose à la dinde. Puis peut-être un style burger, genre. Okay. Déjà, le porc effiloché, celui qui est au porc effiloché, me fait penser justement à un burger porc effiloché. Donc, on joue un peu dans cette tendance-là avec celui-là, ce que j'adore en passant. C'est très bon. Mais un burger, là, avec. Toi, tu parles avec une boulette. Une boulette. Peut-être cheeseburger. Avec un fromage spécial. En termes de ce que tu as en arrière. Ah, j'ai une machine panini, j'ai deux petites salamandes ainsi qu'un réduction. Donc, un rond. Ça. On aurait 1000 questions pour toi. On doit te laisser filer parce que t'as du travail à faire et nous, on a une émission qui s'en vient après nous. Donc, merci d'être passée, Marilyn. Ça fait plaisir. Marilyn, quoi? Doyon. Doyon. Ça fait un dégoût, genre doyon. Yeah. Mais doyon donc. Mais non, c'est doyon cuisine, donc j'ai bien choisi mon métier. Ah, c'est excellent. C'est ça. T'as pas choisi comme, ben, doyon donc, comme nom? Doyon donc. Non. On me l'a déjà dit au primaire, celle-là. Ah, zut! J'aime mieux quand c'est la première fois que je l'ai fait. Il y a juste toi pour faire des jeux de mots poche comme ça, Mathieu. Merci, Marilyn. Ça fait plaisir. À tout à l'heure à la chasse galerie. Oui, qu'on va te revenir. C'est pas bien, on est rêvé au chemin. Si on a de la place encore. Tania, divertis le public pendant que je retourne à la place pour l'émission. Bien, comme Mathieu vient de le dire, il y a une autre émission émission qui s'en vient tout juste après nous. Il est 9h30 déjà. Sam est déjà rentré dans le studio. C'est presque normal, il nous attend. C'est Génie en liberté. Ils vont être en onde dans quelques instants. Pendant que nous, on va se quitter, Mathieu, oui, j'imagine, assez rapidement. Absolument. Parce que là, on a pris vraiment beaucoup de temps pour déguster tout ça. Et je tiens à vous le rappeler, allez faire un tour à la Chasse-Galerie parce que vous allez en avoir pour votre argent. On l'a dit, c'était 5,25. C'est tout le temps 5,25 et c'est délicieux. Absolument. CIF.ca pour la programmation complète, assemblagerequis.com pour les notes de l'émission, les balados de diffusion. On se retrouve lundi à 6h30. Génie en liberté s'en vient à 9h30. Passez une excellente fin de semaine. Bye bye. Bye tout le monde. Bon café. We'll be right back.